fou, 89.1 FM. 89.1 FM. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Rookie. David Ferron nous mettra de la musique plein les oreilles avec sa toujours appréciée carte glitchée. Et Justine Renaud nous mettra des connaissances plein le cerveau avec sa chronique musico-scientifique Justine Pertine. Assemblage Rookie commence tout de suite. Assemblage Rookie. Toi aujourd'hui. Assemblage Rookie. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage Rookie. Pour toi aujourd'hui. Assemblage Rookie. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage Rookie. Bonjour et bienvenue à Assemblage Rookie en ce mardi 21 février 2017, à 65 jours de la fin de l'année scolaire. On t'en dirait les studios de Fois 3 à Rivière et je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Et... T'as entendu qu'il y avait comme une espèce de raclage dans le fond de ma gorge? Oui, gorge, ce petit chaton. Petit chaton. Oui. On a tous très peu dormi. Accueillons Justine Renaud tout de suite. Tous les trois, je pense qu'on a peu dormi. On n'a pas dormi. Ouais, c'est on ça, était c'est partout, toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit. Rouba. Plein de monde dans mon lit qui m'attend. Ah. Ouais. Elle a oublié son café dans son char et une fille dans son lit. Une fille dans son lit. On a toutes comme une situation semblable ce matin. Oui. Qu'est-ce que t'as oublié dans ton lit? Ouais. Oh, pas une fille, mais un gars. Ah, oh. C'est ça. Ah, oh, ben, ça, c'était basé sur un fait avec... Ben oui, exactement. Ben, elle aussi. Ça, c'était des jokes, là. Ben, la dernière fois, non. Ça, fallait pas que ça sache que c'est des faits vécus. Oh, non, mais on s'en fout, il dort. Ouais, c'est ça. Tant qu'il dort. Il est 7h37. Es-tu conscient? Non, pas grave. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il est encore dans mon lit. Qui écoute le début de l'émission, pareil, hein? 7h30? Clairement pas lui. On s'en fout le début de l'émission. On peut botcher ça bien comme faut. Comment disons que Justine, pour le mois de l'histoire des Noirs, prend son café noir ce matin. Ben oui, mais là, tu sais, il faut être thématique. Il faut le vivre pleinement, ce mois de l'histoire des Noirs. Et oui. Donc, je m'y donne corps et âme. Mais en fait, en tant que doctorante, c'est très facile de boire son café noir. Suffit d'ouvrir sa bouche, de le verser bouillant et d'oublier tous ses soucis. Exactement. Avec le stress. Même pas de doctorante. Ouais, t'habitues pas mal. La vie adulte. Parlons de l'émission d'aujourd'hui un petit peu. Plus tard, à 8h30, David Ferron va être là pour sa chronique La carte bichée. Il va nous présenter de la musique, comme toujours, sur une thématique ou pas, ou des découvertes ou quelque chose comme ça. Ça dépend des semaines. Donc, David Ferron à 8h30. Ta chronique s'en vient. Tania is gonna entertain ya. Qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui? Bien, le web qu'on connaît, ça pourrait ne pas être le seul web qui existe. Est-ce que tu vas pénétrer le web profond? Peut-être. Ooh. Avec ou sans loube. Qu'on s'entend ou pas. Faut rester en onde pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Ça, ça donne envie de rester. Et si on a le temps, on devrait, à la fin de l'émission, on va garder David Ferron pour jouer à le vrai le faux. Donc prépare-toi, Tania. D'accord. Prépare tes bonnes réponses, s'il te plaît. Alors, on débute avec Justine Renaud, celle qui est avec nous depuis le début de l'émission. Depuis le tout début. Depuis le début de l'histoire de la radio. En fait, c'est celle qui est la plus ancienne à l'émission. Ah, sérieux, je suis la plus ancienne. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Cool. Hein? Depuis 2010, je pense. 2010. Dans ce coin-là. Old school. Quoi? Ça fait 7 ans. Imagine-moi. Ça va faire 7 ans. Ouais, non. Ouais, mais on en parlera pas. Ouais, non. Alors, voici Justine Renaud et sa collègue Justine Persine. Oui! Encore ce mois froid. Ceux qui sortiront ce matin là, vont se rendre compte à quel point on n'est plus hier, puis qu'il fait plus zéro, puis si on était donc bien bien. On dirait une narratrice de à vous, film, hein? Pas trop quoi. Moi aussi, j'ai trouvé. Ouais. Ah, ben, t'as bien fait ça, en fait. Ouais. C'est quasiment un compliment si j'avais pas, en tout cas, si j'avais pas encore, si je m'étais pas plainte encore sur le climat actuel. Là. C'est juste qu'on a vraiment une très, très, très grande fenêtre ici en studio. Et je regarde dehors quand je parle en ce moment. Je parle et je regarde dehors et je suis triste qu'il fasse genre moins 10. Mais ça n'a aucun mousus de rapport avec ce dont on va parler aujourd'hui. T'aurais pu parler aussi du livreur de boissons gazeuses oui, à l'extérieur. Oui, je zieux depuis tout à l'heure. Puis il ne fait pas de contact. Là, non, pas de non il ne fait pas de contact visuel. Pas en tout, je suis un peu déçu. Moi, je suis bloqué, là, fait que je peux pas voir ça. Ah, okay. Ben, tu fais bien parce qu'il n'y a rien de. En tout cas, bref. Il est probablement sympathique. Ben, il y a du nesté. Ouais. On peut se mettre chumé avec. Ben oui. Elle aime en austère. En austère. Donc, sujet aujourd'hui. On plonge dans ma chronique, là. Tu sais, chronique scientifique à chaque deux semaines. Splouche, on musico-scientifique, scientifico-musical. Oui. Scientifico-musical. Ben, musico-scientifique, je préfère ça. Moi aussi, ça sonne mieux. Ouais, moi aussi, ça sonne mieux. La semaine, pas la semaine dernière, mais l'autre d'avant, on avait parlé de la mélanine. Ouais. Vraiment dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, la mélanine, pourquoi certaines personnes ont une peau plus foncée, voire vraiment beaucoup plus foncé et toute la génétique derrière ça, qu'est-ce qui prend ça? Ça, c'est de la phéomélanine, là-dessus. Ouais, de la phéomélanine. C'est pas la même chose. I like it! Ouais. Et chez les gens avec la peau noire, c'est plus au niveau de l'eumélanine qu'on avait dit. Et là, cette semaine, on va parler d'un autre trait physique et qui s'approprie pas mal plus les Africains. Aussi, certaines populations australiennes et asiatiques, c'est-à-dire le cheveu crépus. On va parler du cheveu. Ben oui, je vous l'avais dit, vous faites toutes vos étonnées. Vous on est vraiment, on n'a pas de très bonne mémoire. Ah, ça. Non, vraiment. Non. Mais vous avez aussi beaucoup de chroniqueurs, je peux pas m'attendre à ce que vous vous souveniez. Ah, tu viens de... aux deux semaines, là. Je ouais, faudrait le noter. Je suis pas assez fréquente, il faudrait que je sois un peu plus régulière. Et bon, c'est la texture naturelle de leurs cheveux à ces populations-là, ainsi que leurs diasporas respectives qui sont dispersées à travers le monde, là. On parle, bien entendu, de chaque brin individuel là, qui pousse en forme de minuscules ressorts, ce qui fait que, pris tous ensemble, tous les cheveux, ils créent comme une espèce de chevelure qui semble beaucoup plus dense qu'elle ne l'est en réalité. Beaucoup plus dense qu'une chevelure lisse, ondulée ou bouclée même. Et les cheveux crépus sont aussi appelés cheveux afro, et oui, c'est un vrai de vrai terme, ou encore kinky curly en anglais, exactement. Qui est le nom de la danseuse, ben pas de la danseuse, de la drag queen que j'ai été voir au Mado l'autre soir, c'était très bon. Ce qui est drôle, qu'est-ce qu'on a dit tantôt, Mado, vous avez dit que t'allais prendre Mado de café, j'ai dit, Mado c'est comme le bar chez Mado. Exactement. C'est pas vrai, à peu près ça. C'est mais c'est, tu te surprends en disant qu'il y avait des cheveux crépus chez les Asiatiques, on s'attend à des cheveux vraiment lisse et... Ça dépend qui... Ben là, ça dépend de quel Asiatique tu parles. Ouais, c'est ça. C'est ça, j'ai dit certaines populations. C'est large, l'Asie. L'Asie, c'est large. C'est extra large. Extra... Mais en Australie aussi. Mais c'est surtout, habituellement, c'est les populations indigènes. Ouais. Là où les terres sont très, très... très arides. Le climat est très, très chaud et très humide. Voilà, c'est là où qu'on va retrouver certaines populations qui sont pas encore pleinement métissées avec, disons, du sang de blanc. Dilué, un peu comme dilué, sont pas du dilué. Café avec du lait dedans. Oui, c'est ça. Ouais. Ils sont moins dilués, fait que ces individus-là vont avoir les cheveux crépus. Mais là, on va parler des Africains, là, fait qu'on s'entend que c'est les plus crépus de la gang. Je te crépus! Fallait que tu sortes. On l'attendait aussi. Ouais. À l'époque de la traite des Noirs, on appelait aussi les cheveux naturels là, des Noirs nappy, pour natural and happy. Oh, c'est pas. Vraiment le fun. Surtout chez les femmes qui laissaient pousser leurs cheveux. Là. Habituellement, les hommes les coupaient très, très court. Les cheveux crépus longtemps ont été vus dans les colonies comme un signe de négligence et d'insalubrité. Et même à l'issue de la guerre de sécession, après 400 ans d'esclavage, le terme « nappy » est demeuré péjoratif. Ouais. Et après la libération des Noirs, plusieurs employeurs ont aidé à perpétuer le racisme institutionnalisé en interdisant les femmes de descendance africaine de porter leurs cheveux dans leur état naturel. Ouais. What a shame! Et on le dit peu fréquemment dans la vie de tous les jours, on dirait que les gens savent pas ça, mais les personnes qui ont les cheveux crépus comme ça, c'est extrêmement difficile d'entretien. Mais c'est vraiment difficile d'entretien, puis je peux même vous expliquer tout pourquoi. Oh. Et ben en fait, c'est le but de la chronique, là, pourquoi c'est la science de maudit, pourquoi c'est donc bien compliqué d'avoir des cheveux crépus. Mais c'est fou comment les gens qui sont pas au courant de ça, même quand tu leur exposes ça, ils te croient pas. Oh non! Non, c'est vrai. C'est facile. Les cheveux. C'est facile. Les cheveux. Non, c'est pas J'ai entendu ce commentaire-là souvent, puis ça m'énerve, parce que tu sais pas de quoi tu parles. Excusez-moi, mais c'est ça. On va se le dire. Hey, mais ces personnes-là, surtout les femmes là, qui portaient les cheveux naturels, on les appelait tout simplement les nappy girls ou les nappies. Quand même cute, mais c'était particulièrement péjoratif. Les populations noires ont donc longtemps cherché à lisser leurs cheveux crépus afin de se rapprocher de l'esthétique dominante, ne serait-ce que pour trouver du travail, très compliqué à l'époque. Et on le sait peut-être pas, mais l'instrument le plus utilisé avant le 20e siècle était le pencho. Tout simplement un pencho qui venait vraiment lisser les cheveux. Oui, il y avait son excellent hit, le « Pousse, pousse, pousse de la fonte, Jonathan Pencho ». Oh mon Dieu! T'es en feu à ma C'est fou, hein? Moins de sommeil égale c'est plus fou. De blagues. Ouais. C'est ça. Mais c'est pas Jonathan Pencho qui a inventé le Pencho, ni la crème défrisante qui, elle, est une invention révolutionnaire en 1909 de Garrett A. Morgan. Fait que cet homme-là a inventé la crème défrisante qui faisait comme une réaction chimique avec les cheveux et non pas les yeux. Ne pas indiquer dans les c'est yeux. Ça. J'ai les yeux toutes lisses, là, man. C'est malade. Puis c'est ça, il a inventé cette crème-là, ça a vraiment révolutionné le monde. Pour le bien ou pour le mal, on ne sait pas, parce qu'en bout de ligne, ça favorisait l'altération de l'état naturel des cheveux, mais bon, c'est ça. Fait que les cheveux afro se sont vus réinventer de toutes sortes de manières. On a vu toutes les coupes possibles. Là. C'est si beau. C'est très, très beau, mais en même temps, il y avait une espèce de désir de vouloir fitter dans le moule, vraiment entrer dans le standard occidental. Homogénéité, oui. Homogénéisé. Et les modifications apportées aux cheveux des Noirs ont plusieurs effets négatifs chez ces personnes, comme des démangeaisons, des plaques rouges, des brûlures, ça c'est tous les produits chimiques, la cassure de leurs cheveux ou même l'alopécie, c'est-à-dire la perte de cheveux. Ouais. Fait qu'on va voir souvent là, un âge plus avancé des femmes noires qui commencent à caler énormément à force d'avoir mis toutes sortes de produits ou aussi des, ce qu'on appelle des weaves, des perruques par-dessus leurs cheveux à un certain moment donné. Souvent des bouts de perruques. Ouais. Tu vois, quand tu vois une fille qui a les cheveux plus longs, quand t'es noire, souvent, c'est, en fait, presque la majorité du temps, c'est pas des vrais cheveux. C'est plus facile d'entretien à ce que j'ai pu comprendre. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de salons de coiffure pour les personnes noires, même à Trois-Rivières. Ben, c'est vrai. C'est particulièrement... c'est quasiment une science en soi, là, juste comprendre comment fonctionne ce cheveu crépus-là. Puis c'est pas vrai que quelqu'un qui a jamais travaillé un cheveu afro va comprendre son comportement et pouvoir comme bien... le traité, disons. Mm-hmm. Fait qu'on pense qu'au moins 98% des femmes noires sur la planète se sont défrisées les cheveux au moins une fois dans leur vie. On s'entend que ça compte aussi les pays où ils n'ont pas nécessairement de quoi manger ou de quoi boire à tous les jours. Donc, c'est une tendance qui s'est répandue énormément dans le 20e siècle. Mais depuis 2000, là, à l'ère du bio, il y a eu une prise de conscience très importante qui s'est faite dans ces communautés et le mouvement NAPI, donc Natural and Happy, a pris naissance où la femme est encouragée à garder leurs cheveux à l'état naturel crépus. Fait que les gens se sont réappropriés cette espèce de terme péjoratif-là. Se sont dit, là, gars, nous autres, là, on veut là, nos gros cheveux bouffants. Le en tout cas, buisson, des gros fois, là, cheveux denses. Mm-hmm. Et ils se sont réappropriés la beauté de la chose en tant que telle. C'est très bien. Tant mieux. Et certains visionnaires, par contre, un peu plus extrêmes, vont jusqu'à soutenir que l'altération du cheveu du noir signifie un reniement de leurs origines. On se calme, là. La coiffure, c'est de la coiffure. C'est ça. Vous pouvez pas rien faire, juste naturel, comme bloup. Ouais, exactement. Moi, si je me peigne pas le matin, toi, si tu te peignes pas le matin, on a tous l'air un petit peu fou. Ben, je me peigne pas le matin. Je me tue que Charizard. C'est pas Charmander, c'est Charizard, sa deuxième évolution. C'est pas une sorte de saucisse. Ça, c'est Chorizo. Ah, excuse-moi. Chorizo, Charizard. Bon. Quasiment. Et voilà. Dans la même lignée. Oui, bref. Suite à ce petit survol historique et un overflow de Pokémon, passons à la partie plus scientifique, parce que là, je vous ai comme expliqué un peu l'histoire de la chose qui est vraiment pas mon. On voit que genre, je suis plus confortable en science. On va se pitcher tout de suite dans la science. Alors, le cheveu afro existe pour une raison bien évidente pour l'espèce humaine qui a fort probablement vu le jour et évolué en Afrique, là où il faisait effet, toujours très chaud. Le cheveu très frisé va augmenter la densité de la chevelure entière et le cheveu pousse également presque parallèle au cuir chevelu et non pas perpendiculaire au cuir chevelu. Fait que c'est comme chez, admettons, nous autres les Blancs, là, le cheveu va pousser comme carrément droit en sortant du cuir chevelu et eux autres, ça va pousser comme plus comme en angle. Ouais. C'est drôle, j'aurais pensé le contraire. Ouais, j'avoue. Ouais, mais non, mais voilà. Non, c'est pas comme ça que pousse le cheveu afro. Mais étant donné ces aspects-là, le cheveu afro est donc parfaitement conçu pour ne pas laisser la moindre parcelle de cuir chevelu exposée aux brûlures du soleil. Ah. Et le cuir chevelu, en tant que tel, est lui-même adapté au climat chaud. La peau est épaisse et les pores sont plus serrés, ce qui fait en sorte qu'il est également plus sec. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que dans les climats plus frais et moins humides, les Africains et leurs descendants ont tendance à avoir le cuir chevelu très sec. Les pores de leur cuir chevelu étant encore plus serrés qu'à l'habitude par manque d'exposition au soleil. Fait que c'est ça qu'on voit certaines personnes qui vont avoir tendance à avoir un peu plus de pellicule, un peu plus de problèmes avec la peau de leur cuir chevelu. C'est vraiment parce que c'est pas adapté pour notre espèce de climat sans soleil, sans drabe. Vie. Drabe. Je vais faire un pays. C'est ça. Exactement. J'aime ça, moi, les filles qui ont des pores tight. Elle a des pores tight. Tight. Oui. 20 ans. Tu sais, ça, tu dis pas ça à une première date. Non. Je sais pas, à la Saint-Valentin, non? Non, pas vraiment. T'as les pores tight, babe. Ouais, c'est ça. So tight. Je suis pas certaine, ça va fonctionner. Mais à cause que leurs pores sont so tight, le sébum qui, naturellement, devrait s'écouler de ses pores, ne le fait plus. Belle sébum! C'est une bonne émission, ça, belle sébum. Ce matin, hein? Non, mais sérieux. Sérieux. C'est comme une que... n'attend pas l'autre. Bang, bang, bang, bang, bang. Faut que je mette mon doigt dans mon Dr. Mauer pour savoir je suis rendu où. Excuse-moi, je prends des mauvaises habitudes. Non, continue avec ces bonnes mauvaises habitudes. Moi, j'aime ça. Bonne mauvaise blague. Bonne mauvaise blague. Fait qu'on parlait de sébum. Oui, c'est ça. Ben là, ça, hein. Le sébum, il est plus capable de sortir des pores de peau. La peau devient plus sèche, puis les cheveux secs et cassants deviennent difficiles à peigner. Ouais. C'est à cause de ça. C'est difficile à peigner parce que nous autres, naturellement, on va avoir du sébum qui va recouvrir nos cheveux. Mais chez les noirs qui ont les cheveux très crépus, ça se fait pas parce que leur scalp, scalp, et mon Dieu, ça sonnait comme un scalpé quelqu'un. Ouais. Je pensais à Inglourious Basterds, c'est pas ça pantoute. Mais bref, c'est ça. Leurs cheveux qui, d'habitude, devraient comme pousser avec une espèce de petite couche de sébum, ça se fait plus. Fait qu'essaye de peigner un cheveu, toi, qui est complètement sec puis qui a pas de corps gras dessus, là. C'est ça le gros problème. Ça doit tirer, là. Ah, ça doit être l'enfer. Douloureux. Fait que je comprends, tu sais, je veux dire, à un certain moment donné, il y a des personnes aussi qui vont se lisser les cheveux par simple. Parce que ça simplifie les choses. Ouais, ça doit. Ça simplifie les choses carrément. Mais pourquoi, dans le fond, le cheveu des Africains pousse en hélice et trécit de la sorte? Parce que c'est pas le cheveu, il est pas comme genre bon, mais moi, je curve à gauche jusqu'à l'infini, tu sais. Évidemment, c'est un trait génétique, hein, qui s'hérite de génération en génération à un degré variable. Donc, c'est très variable. Le cheveu crépus, pas juste cheveux crépus. Il y a à peu près trois sortes de cheveux crépus allant d'un S bien, bien serré jusqu'au Z très, très, très, très, très, très serré. Le Z étant le contraire du S, j'imagine. C'est ça. Non, pas nécessairement. Non? C'est juste que les tournants du cheveu, là où ce que le cheveu comme tourne sur lui-même, c'est tellement plus aigu comme angle que ça a quasiment l'air d'un Z. Ah. Comme si ça faisait comme un zigzag carrément et à non pas comme une courbe, espèce d'hélice. Ouais, voilà. Je comprends. Et c'est au moment du développement prénatal que se détermine si le bébé en devenir aura les cheveux crépus ou non. Donc, il s'agit de la croissance asymétrique du follicule pileux, c'est l'espèce d'enveloppe dans laquelle prend naissance chaque cheveu individuel, qui est responsable de créer les frisottis. Si on s'imagine un follicule pileux un peu comme une cavité vide formée par un paquet de cellules tout autour, là, ben chez les gens aux cheveux crépus, ces cavités-là sont asymétriques. Okay? Fait qu'elles sont pas bien rondes de la manière que nous autres elles sont plus rondes. Parce qu'il y a plus de cellules qui vont pousser d'un côté du follicule pileux que de l'autre côté. Ça va faire en sorte que l'enveloppe va comme se déformer et devenir un peu plus aplatie. Mmh. Ça va forcer la racine du cheveu à gonfler plus d'un côté que de l'autre, ce qui explique pourquoi le cheveu ne pousse pas tout droit perpendiculaire au cuir chevelu, mais plutôt parallèle, presque parallèle à celui-ci. Et à cause de ce follicule pileux asymétrique, le cheveu va également adopter une allure aplatie lorsqu'observé individuellement au microscope. Fait qu'admettons que je prends toi, Tania, ou toi, Mathieu, les deux pas mal, vous avez les cheveux là, assez lisses. Oui, gondolent. Ouais, ouais, les miens gondolent énormément, je les arrange pour pas qu'ils gondolent. OK, ouais. Ben gondoler, c'est vraiment pas si pire que ça. Les deux, je vous dirais que vous avez probablement, là, comme les brins de vos cheveux sont pas mal cylindriques. Oui. Dans le cas là, de quelqu'un... J'ai déjà fait ça. J'ai déjà regardé mes cheveux. Ouais, ça doit être pas pire cylindrique. Et que t'es narcissique, c'est quoi? Mais non, mais je suis jeune, là. Tu sais, je venais de recevoir un microscope en cadeau. Fallait bien que j'observe de quoi. C'est bien hot. Mais si tu regardes un cheveu de d'une chevelure crépue là, au microscope, là, vous allez voir que c'est vraiment comme plus aplati, rond, comme ouais. Vraiment aplati, fait que ça a plus l'air d'un ruban. Une linguine. Ah, linguine, voilà. Comparé au nôtre, mettons. Exactement. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que ça vous explique pas pourquoi c'est comme ça. Hein? Pourquoi ils sont frisés? Ben ouais. On sait qu'ils sont aplatis à cause que le follicule pileux là, comme, devient comme en espèce de forme. L'ouverture n'est pas ronde, mais plutôt aplatie. Mais en bout de ligne, parce que c'est aplati, c'est aussi ça pour ça ouais. que ça va friser. Ah. C'est que les cheveux sont formés principalement de protéines nommées kératine. Fait que la même affaire qu'on a dans la peau, dans les ongles. Et ces kératines-là vont adopter des conformations tridimensionnelle, soit droite, soit en hélice, selon que le cheveu est cylindrique ou plat, respectivement. Dans le cas des cheveux crépus, il y a plus de place pour que certaines interactions entre les molécules des kératines prennent place. C'est en particulier, là, on rentre dans la science, dans le trou de pète de la science vraiment profond, là, c'est l'interaction entre les acides aminés cystéines qui composent les kératines qui tient la structure en mini-hélice. Fait que, mettons, là, que vous avez comme une espèce de... Je sais pas, moi, juste comme une corde bien, bien droite. Mm-hmm. Puis que vous vous mettez à, comme, attacher des petits bouts de corde, des espèces de pince entre le premier bout de corde puis genre 5 cm plus loin. Puis tu fais la même affaire, tu mets une pince de là jusqu'à 5 cm plus loin, mm-hmm. puis une pince de là jusqu'à 5 cm plus loin, puis que ces pinces-là tiennent l'espèce de corde de plus en plus rapprochée, comme ça on obtient comme une espèce de ressort mm-hmm. où ce que toutes les espèces de petites pinces que j'ai mises entre des différents segments dans le fond de ma corde qui était auparavant droite, tient la corde maintenant en espèce de ressort. J'ai passé un bon 30 minutes à essayer de trouver une analogie, j'en ai pas trouvé, mais fuck all. Donc, c'est vraiment... Imaginez-vous là, comme un ressort qui est tenu non pas par la rigidité là, du métal, mais vraiment là, par des choses qui tiendraient les différents pas là, de l'hélice là, ensemble. Là. C'est vraiment comme ça que ça se passe. La protéine va pouvoir comme, faire des interactions à l'intérieur d'elle-même qui va garder là, cette espèce de ces tournants-là là, vraiment abrupts. Là. Tandis que dans le cheveu cylindrique, chez les cheveux lisses, il n'y a pas de place pour ça. Hein? Des interactions entre ce qu'on dit les acides aminés cystéines, il n'y en a juste pas. Hein? Et les crèmes défrisantes, les permanentes, servent à détruire ces interactions moléculaires-là entre les cystéines pour rendre le cheveu droit et lisse. Donc ça, c'est la science des permanentes. Donc la raison pour laquelle ça pue une permanente et aussi certaines crèmes défrisantes, c'est oh que ça Dieu. Contient comme des produits chimiques qui vont vraiment comme créer la réduction de ce qu'on appelle les ponts sulfure. Et qui dit sulfure dit soufre, qui dit soufre dit pète, dit l'enfer. Vous allez tous en enfer ce matin. Nauséabonde. Fait qu'il ouais. y a comme un produit chimique là, qui contient lui-même du soufre qui va comme aider à défaire les ponts de sulfure entre les cystéines. Puis c'est ça qui pue le pète quand vous faites un pète. Hein? Et oui, aussi oui. des permanentes. Mais ça, sûrement dès la première utilisation, ça doit déjà gâcher ton cheveu pas mal. Ben, je dirais que je ne m'y connais pas en traitement capillaire, mais je pense pas que faire des permanentes tous les jours de sa vie, c'est une bonne idée. Ouais. Je pense pas. Ça doit être ça des harsh. Traitements napillaires. Dans Napillary! Point. Et puis... Next. Ouais. Next. Évidemment, là, comme pour la coloration de la peau, l'être humain il a perdu l'allure crépue des cheveux suite à des modifications. Ben, l'humain caucasien, tu sais, a perdu là, cette espèce de côté là, très, très crépue des cheveux suite à des modifications génétiques qui sont arrivées de manière aléatoire, mais qui n'avaient pas de conséquences sur l'évolution une fois que l'espèce, bien entendu, fut dispersée sur des continents plus frais et moins humides. Fait que, admettons qu'on a notre ancêtre africain qui a migré en Europe, puis en Europe faisait comme plus fret, puis les gens, ils chialaient, puis il y avait des Français, Colin. Ah, maudit Français. Il y a eu des modifications génétiques qui ont fait en sorte qu'il a perdu cette espèce de livre ride dans ses cheveux, puis ça n'a eu aucun effet, fait que c'est comme resté comme ça. On a gardé ce trait-là des cheveux lisses par simple perte génétique avec aucune influence sur la sélection naturelle. Eh bien! Mais ce matin, je me fais vraiment plaisir, je me flatte. Écoutez. Ouh. OK. Est-ce que vous entendez? Je me flatte. La bonne radio, ça. Oui, ben oui. Je me flatte beaucoup. Pourquoi? Parce que dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Je me suis dit il fallait absolument que je mette mon préféré parce que j'ai un préféré. OK. Ça va sonner, mais c'est ça. J'écoute pas énormément de jazz dans la vie, mais j'en ai un et c'est mon préféré. L'homme s'intitule. Le monsieur s'appelle John Coltrane, puis vous avez peut-être pas entendu parler. On a entendu parler énormément de Duke Ellington, mais John Coltrane est excellent. Je vous invite à écouter Blue Train, fantastique chanson jazz. Bebop, hard bop qu'on dit. Il appelle ça du hard bop. Je sais pas à quel point c'est hard, mais have a listen. C'est quand même 10 minutes, fait que restez dans votre char, faites de quoi. Écoutez ça. Juste une personne, hein, sans la joie. Yeah.

Hey, vous avez eu peur. Je suis sûre que vous pensiez que la chanson était pour repartir pour un autre 10 minutes. C'était Blue Train de John Coltrane. Excellent. Ma chanson la plus préférée de mon jazziste, mon jazz player, mon plus préféré, mon jazziste qu'on dit. Ah oui, pour vrai? Non, je sais pas. Jazzman. Bref, ça manque d'émissions de jazz assez fou pour vrai. Oui, c'est ça. Ouais. Mais la chose, c'est que je connais comme un artiste puis une chanson. Ça va être longtemps, Blue Train, all over again, every day, everywhere. Tu vas appeler ça le Coltrane Show. Puis là, notre directeur musical, programmation, va dire faut que ça soit en français. Faut que ça soit en français, fait que ça va appeler ça. Train froid. L'émission du train froid. T'étais en train de me voler mon gag avant que je le fasse. Hein, mais oui, mais là, je m'excuse. C'était à toi de pas les dire avant. J'avoue. T'es comme pas bien wise. J'ai pratiqué en ronde avant, des fois. Parfois, oui, c'est vrai. Traître. Je suis témoine. Témoine. Témoine. C'est bon. Alors, c'est ça, on avait parlé des cheveux crépus des personnes de descendance africaine ou certaines populations en Australie, puis t'avais un point d'interrogation quand j'ai dit en Asie. Ouais. J'ai dit certaines populations, pas j'ai toutes. Pas dit comme le japonais pure laine dont les cheveux sont aussi droits que leur... c'est ça. Je voulais dire leur droiture, mais droit que leur droiture. Aussi droit que leur droiture. C'était comme trop... Pas de mal contre les Nord-Ouest. C'est difficile, les mardis matin. Hey, j'ai de la misère. C'est parce que je l'ai pas encore calé complètement mon café. C'est ça. Ouais. Should kick in soon. On te comprend. Oui, alors, quand je vais revenir dans deux semaines, ça sera plus le mois de l'histoire des Noirs. Donc, non. On va avoir passé à d'autres sujets, mais je tenais quand même à souligner l'importance, pas nécessairement du mois, mais l'importance de comme juste... se souvenir qu'on est tous Colin de Bin, des humains sa planète. On vient tous de la même place. On est toutes un paquet de gorlots sur la planète. Donc cessons de nous comme abattre sur nos différences puis de faire des plats avec rien. On va devoir faire juste du Kraft Dinner avec du Kraft Dinner. Rien. C'était si beau avant que tu fasses ça. Oui, c'est ça. Je sais pas. Non, mais c'est ça. Je sais pas. Ça me rend triste un peu l'état de la planète en ce moment. Là, ouais. Puis juste, c'est ça. On sait ce qu'on veut dire. On n'a pas besoin de dire le monde en tant que tel. Mais de la musique. Fait que... Merci, Justine. Ah, ça me fait plaisir. À dans deux semaines, ça veut dire qu'on se retrouve le 7 mars. Oh mon Dieu. Arrêtez le stress. Merci, Justine. Plaisir. Tu restes un peu ou pas? Malheureusement, je pourrais pas parce que j'ai des cellules qui m'attendent. Oh! Hey, wow, c'est sexy. Surtout en prison. J'en ai des millions et des millions. Orange is New Black comme tatouc, hein? Oh oui! Oh, Charizard sur ma tête. Tout orange. On prend une pause au retour. Ça va être Tania qui va nous divertir pour la prochaine demi-heure. Après ça, David Ferron va être là pour la carte beachée. Après ça, on va jouer au Le Vrai Le Faux. Mais pour l'instant, une petite pause et puis on revient juste après à Assemblage Requis. Restez là. Sondage requis pour toi aujourd'hui. Un sondage requis. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca 89.1. Un sondage requis. Vous êtes à Assemblage Requis ce mardi 21 février 2017 à Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Dans une demi-heure environ, David Ferron va être là pour la carte bleachée. Il va nous faire la petite musique. Là, il va nous jouer ça live dans le studio. J'ai déjà reçu ses chansons. Puis Caroline, ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Donc, il faut rester à l'écoute. Mais pour l'instant, c'est Tania Baudin. Oui. Oui, voici Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. She's gonna entertain. Tan. Salut Tania. Hey, bon matin. Qu'on se pénètre ça aujourd'hui dans le dans le web profond. Mais oui. Personne ne savait, je pense, que jusqu'à temps que tu m'envoies la page Wikipédia, qu'en français, il était profond au lieu d'être sombre. Avoue, hein, parce qu'en anglais, on va dire le dark web, c'est vraiment très mieux, je trouve. Surtout que Fifty Shades of Grey, c'est 50 nuances plus sombres. Fifty Shades Darker, hein, maintenant, fait qu'automatiquement, on sait que ça se passe sur Internet. C'est pas 50 nuances plus profondes en français, pourtant. Mais du moins, sachez qu'avec mes recherches des trois derniers jours, probablement que le FBI se demande qui est Tania Baudin. T'es sous écoute. Je suis sous écoute. J'ai probablement mon ordinateur qui est décrypté par comme des agents du FBI. Les Russes, ou parce que quoi. J'ai dû écouter comme 6 documentaires dans les 3 derniers jours sur le dark web. J'ai dû faire des recherches Google, genre incroyable. J'ai écouté des vidéos YouTube sur le dark web parce que ça existe. On t'explique comment accéder c'est au ça, dark j'allais web. Dire, est-ce que t'es allé sur le dark web? J'ai pas été parce que sachez que c'est une des places si jamais vous voulez justement accéder à cette forme d'internet. Là, c'est une des formes où vous allez trouver le plus grand nombre de virus puis pour votre ordinateur. Puis je crois que j'aurais pas nécessairement la capacité informatique de pouvoir remettre mon ordinateur en un seul morceau après avoir été faire un petit tour dans le dark web. Et il y a un YouTuber, entre autres, qui expliquait qu'un de ses amis l'a fait. C'est drôle parce que la plupart des YouTubers qui vont expliquer qu'est-ce que le dark web ou qui vont expliquer comment y accéder vont avoir déjà leur voix brouillée. Puis tout ça, c'est quand même très drôle parce que si tu crées un compte YouTube, il y a quand même une adresse IP avec laquelle te retrouver. Là. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire que c'est un sujet qui est extrêmement captivant lorsqu'on n'a absolument aucune idée de ce qu'est le dark web. Faut passer par la base. Je pense que les gens nous écoutent, mais c'est quoi ça le dark web? Tout le monde exactement. Parle de ça. On entend beaucoup le mot. Même hier, au match d'impro, il y a eu une mention du dark web. Puis j'étais comme, OK, c'est assez grand public pour que les gens sachent ce que c'est, apparemment? Bien, je crois que présentement, ce qui se passe, c'est qu'il y a une connaissance X de plusieurs personnes, que ce soit des anciens hackers ou que ce soit des émissions comme, par exemple, CSI Cyber, qui commencent justement à expliquer un petit peu plus qu'est-ce que le dark web. Comment c'est avant d'être retiré des ondes. Exactement. Pour vrai? Oui, c'est juste une saison. CSI Cyber. Ouais. Oh non, je suis triste. Ouais, qu'est-ce qui va se passer de mercredi soir? C'est ça qui est le fun des chaînes québécoises ou canadiennes. Ils achètent des séries qui n'ont pas de fin. Oh t'sais? Non, je suis triste un petit peu. Ben oui. Mais tout ça, pour vous expliquer, on va... Mais c'est tout, juste ça. OK. On va commencer par la base. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous parler du dark web ce matin ou du moins cette semaine? C'est tout simplement parce que je suis tombée sur une conférence qu'un homme donnait. C'est le style de conférence TED. Si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est, soyez en onde demain parce que je vais vous en parler. Ah, génial. Ouais, pour vrai, quand je vois... Il y a des gens en chasse-galerie des fois avec leur portable qui écoutent des TED Talks puis je fais comme, je veux être ton ami. J'ai dû écouter comme 142 TED Talks depuis les 3 derniers jours aussi. Donc, automatiquement, genre le SCRS et le FBI se demandent qu'est-ce que je fais sur mon ordinateur. Mais j'ai écouté une conférence qui était donnée par Caleb Barlow. Qui est Caleb Barlow? En fait, c'est le vice-président de IBM Security. Et IBM Security, ça se spécialise, bien évidemment, vous l'aurez deviné, dans tout ce qui est sécurité Internet, tout ce qui est stratégie et positionnement aussi des portfolio des produits et des services que qu'offre l'Internet. Et il expliquait justement dans sa conférence, dans son TED Talk, qu'est-ce que le dark web, qu'est-ce que le cybercrime et qu'est-ce qu'on peut en faire, en fait, pour justement un petit peu se faire attention à ça, parce que c'est un petit peu avec ça qu'on va avoir des fraudes bancaires, souvent. Ouais. Les numéros de carte de crédit sont propagés là-dessus. Exactement. C'est un petit peu avec cette formule-là qu'est le dark web, que les gens qui veulent frauder votre carte de crédit vont très bien pouvoir le faire, et de plus en plus en 2017. Donc, IBM, c'est comme une société d'intelligence sécuritaire qui va se spécialiser, justement, soit dans l'art de trouver ces fameux fraudeurs-là, ou de tout simplement sécuriser vos propres routeurs, vos propres systèmes informatiques et tout le tralala. Parce que c'est sur le même Internet. C'est pas un Internet à part, c'est le même Internet, c'est juste que c'est caché, c'est pas référencé par les moteurs de recherche. Exactement. Mais c'est pas une autre place, c'est pas deux bâtisses différentes. Là. Si on cherche quelque chose sur Internet, disons le Internet qu'on connaît, là, parce qu'évidemment, c'est pas nécessairement tout le monde qui connaît le dark web, eh bien, le Internet qu'on connaît avec Google, Yahoo, Bing et tous ces systèmes de recherche-là, eh bien, ça représenterait en fait que 20% du véritable web. Ouais. Qu'est-ce que le 80% autre? Bien, c'est ce fameux dark web-là, sur lequel vous pouvez retrouver, entre autres, des gens qui vont frauder des cartes de crédit, des gens qui vont être des tueurs à gages. vous pouvez aussi trouver des achats d'organes. Donc, si jamais vous voulez faire du du trafic d'organes, c'est sur le dark web que ça va pas mal se passer. Et ça m'a un petit peu amené aussi à ce qui était le film Nerve que je vous ai déjà présenté, oui. Qui se passe beaucoup à regarder certaines personnes après leur avoir lancé un défi pour qu'ils puissent gagner de l'argent. C'est exactement un petit peu dans la même idée que Nerve a été créé, c'est qu'on se base justement sur ce fameux dark web là pour lancer un jeu vidéo qui prend vos informations bancaires, qui prend vos informations sur vos réseaux sociaux pour ensuite être capable de faire de l'argent avec ça et qui va vous, bien évidemment dans le film, qui va vous amener à certains moments à pousser vos limites extrêmes pour tout simplement avoir de l'argent. Mais le dark web, c'est un petit peu ça aussi et il faut comprendre que le dark web, c'est quelque chose qui peut s'avérer être très, très très, très méchant, mais... Sombre, certains diraient. Très sombre, en effet, très profond. Mais c'est aussi une solution pour plusieurs personnes à justement des antivirus, à justement... faire en sorte qu'on va bénéficier nos systèmes de sécurité. C'est quelque chose qui va nous qui va pousser certaines entreprises à aller plus loin dans leur système de production ou encore dans leur système de protection, que ce soit par exemple, je sais pas moi, Vidéotron ou Cogeco ou peu importe, là, je nomme des affaires comme ça. Il y a probablement qu'il y a certains hackers qui travaillent chez Vidéotron et qui travaillent chez Cogeco qui ont une très bonne connaissance du dark web. Sûrement. Justement pour pouvoir faire en sorte que leur système de protection va être encore meilleur. Hier, tu m'expliquais un petit peu que un Wi-Fi, c'est pas tout le temps sécuritaire malgré ce qu'on là, peut en penser. Non, même que maintenant, c'est rendu qu'on te le dit. Il y a un petit pop-up qui... j'ai essayé de me connecter sur le réseau de la buanderie où je fais mon lavage. Mm-hmm. Et ça me disait, ah, êtes-vous sûr de vouloir vous connecter à ce réseau-là? Parce que les réseaux Wi-Fi publics laissent passer absolument toutes les informations sans aucune exception que vous transmettez. Donc, que ce soit votre numéro de carte de crédit ou peu importe, votre numéro d'assurance sociale, faites pas ça. Tu sais, prenez plus de données sur votre LTE au pire. Exact. Ce serait déjà moins pire. Je disais ça parce qu'en fait, il y a un des six documentaires pour lesquels le FBI me recherche présentement. Ouais, c'est ça. J'imagine nous poster les six sur la page Facebook d'Assemblée. Je vais fortement essayer, c'est sûr, ouais. Et certain, yes. Que je vais essayer de tous les retrouver parce que je vous dirais que c'était pas mal du cliquage après du ton cliquage. Ton historique YouTube, tu sais comment il atteint. Exactement. Puis mes connaissances informatiques sont malheureusement pas très grandes pour que je puisse accéder au dark web, donc de toute façon. Veux-tu, je sais que c'est une parenthèse, tout ça. Ouais. Sur un autre sujet, là. Mais selon la page Wikipédia du web profond, il y a un enjeu de recherche qui s'appelle BASE. Mm-hmm. Donc c'est base-search.net et oui. Ça comprend le dark web. Oui, exactement. Voilà. Parce qu'il y a certains moteurs que vous faites accéder par votre propre page et tout ça. Mmh. Bien, on va commencer par la base. En fait, on va se demander qu'est-ce que le dark web. Qu'est-ce que certains vont appeler ça, comme tu le disais, le web profond. Ça dépend un petit peu de où vous venez. Il y en a qui vont appeler ça le web sombre aussi. Ça dépend vraiment de la région où vous venez. Invisible, caché, selon certains. Exactement. Donc, le dark web, en fait, c'est une portion d'Internet à laquelle on accède par un logiciel. Une fois arrivé là, il y a des sites où il va y avoir d'autres services qui vont être consultables à l'aide d'un navigateur qui va être dans le style Google ou Yahoo, mais que vous accédez pas par Google ou Yahoo, vous comprendrez. Il y a Tor, entre autres. Exactement, comme pour le web officiel. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des systèmes de recherche qui vont être développés sur le dark web et il y a certains sites qui vont demeurer cependant cachés. Ils sont pas indexés, ils sont inaccessibles à moins d'en connaître l'adresse. Il faut vraiment être à un certain point un crack informatique pour pouvoir accéder à l'entièreté de ce qu'est le dark web ou ce qu'est le web profond parce que, bien évidemment, ça prend des connaissances assez développé pour pouvoir arriver à aller faire un achat de dons d'organes, là, mettons. Ouais. C'est sûr que c'est pas n'importe qui peut faire ça. Et c'est pourquoi, la plupart du temps, les gens n'en sauront pas nécessairement la vérité ou la connaissance, tout simplement. C'est parce que jusqu'à très récemment, c'est pas quelque chose qu'on connaissait, c'est pas quelque chose à laquelle on se souciait non plus. Mmh. On pensait que c'était pas mal plus des gens qui allaient faire ça avec du bouche à oreille, par exemple, du trafic d'organes ou, par exemple, engager un tueur à gages. Tandis qu'en 2017, si jamais vous voulez vraiment là, arriver à engager un tueur à gages, c'est possible de le faire sur le dark web pour environ 10 000 $ canadiens. Pas si pire, ça. C'est pas si pire. Tu voles quelques cartes de crédit et puis tu finis par avoir ton 70 000 $. Faut que tu trouves quelqu'un qui connaît Internet c'est par ça. La suite pour pouvoir y accéder. Donc, il y a de nombreux sites qui sont marchands qui vont justement faire affaire sur le dark web. Ils vendent principalement des produits illicites. Il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits de pornographie, que ce soit de la pornographie juvénile ou peu importe, sur le dark web. On parle aussi de drogue, d'armes à feu. C'est possible d'acheter, par exemple, de la cocaïne ou de la marijuana sur le dark web de façon extrêmement rapide. Elle devrait arriver dans votre boîte aux lettres dans les prochaines heures. Donc, tout dépendant où vous habitez, là, c'est sûr que ça va être beaucoup plus rapide si vous êtes aux États-Unis. Mais c'est quelque chose, c'est un quasiment une offre qui est extrêmement rapide, mais qui fait peur à un certain parce point. Parce qu'il y a moins de gens qui sont sur le dark web, donc c'est sûr qu'il y a moins de commandes, donc service plus rapide par courrier expédié. Exactement. Ouais. Certains vont utiliser Facebook, et surtout pour l'utilisation des jeux qui en font, et vous allez gagner en fait ce qu'on appelle un petit peu de la crypto-monnaie. C'est-à-dire que l'argent que vous allez gagner avec ces fameux jeux-là n'est pas nécessairement de la vraie argent. Des bitcoins peut-être. Exactement. C'est exactement comme ça que ça fonctionne sur le dark web, vous allez acheter tout ce que vous allez vouloir acheter avec des bitcoins, ce qu'on appelle de la crypto-monnaie. Et dans le dark web, on a même pu cotiser sur une plateforme de financement de façon participatif, pour organiser en fait des assassinats. C'est quelque chose qui se voit sur le dark web. Donc, en raison de certains anonymats qui est quasiment total là, sur le dark web, on veut vraiment que certaines personnes restent anonymes. On veut pas non plus pouvoir se faire découvrir, que ce soit par les systèmes de sécurité ou peu importe. C'est une terre d'élection pour tous ceux qui cherchent à se faire oublier des gouvernements ou de la justice. Je vous ai déjà mentionné le film qui était Snowden. Un gars comme celui-là, c'est un gars qui connaissait l'existence du dark web. C'est souvent justement des gens qui ont étudié en informatique parce qu'on y apprend justement toutes les petits raccoins d'un ordinateur, d'un système informatique. Donc, on y trouve souvent aussi des lanceurs d'alerte qui vont par exemple recourir au dark web pour communiquer avec les médias. Donc, par exemple, Anonymous, qu'on voit à certaines reprises dans les médias, que ce soit pour le côté politique ou pour dénoncer certaines choses. Eh bien, Anonymous, à la base, c'est une organisation qui fonctionne sur le dark web. Okay. Ils sont là pour dénoncer certaines choses, du moins c'est ce qu'ils disent, dénoncer de façon quasi criminelle, on doit le dire, parce qu'en théorie, t'as pas nécessairement le droit de naviguer de façon tout à fait normal sur le dark web. Donc, Anonymous, c'est une organisation, en fait, qui, eux, vont dénoncer certaines choses qui vont se passer, justement, sur le dark web, ou certaines personnes qu'on croirait pas qui ont, justement, certaines alliances avec ce fameux dark web-là, et ils s'en font comme quasiment porte-parole à certains moments. Il y a un des documentaires que j'ai écouté qui s'appelle « The Most Dangerous Town on the Internet », qui est un documentaire en anglais qui a été propulsé, en fait par Norton. Norton, qu'est-ce que c'est? C'est une firme de sécurité Wi-Fi pour vos routeurs. Donc, eux sont spécialisés là-dedans. Ils faisaient des antivirus. Ben, ils en font encore, mais plus personne s'en sert. Oui, c'est ça. De moins en moins. Donc, on a présenté un documentaire d'environ 20 minutes qui explique qu'est-ce que le dark web, qui explique aussi où on peut retrouver ce fameux dark web-là. Ouais. Parce que, en quelque sorte, on se dit, oui, bon, OK, ça va être 20% de Le vrai web va être 20% de ce qu'on connaît, sauf que Google, ça a des moteurs de recherche, ça a des serveurs aussi, où ça s'en va, cette espèce de data-là qui appartient au dark web. Donc, le documentaire qui est propulsé par Norton, ça vous amène un petit peu là. Ça vous amène dans des endroits qui sont pas nécessairement connus de tous, mais qui sont en théorie certains serveurs de ce dark web-là. Et ce qu'on dénonce dans ce fameux petit documentaire-là, c'est qu'on ne sait pas nécessairement tout le temps ce qui va se retrouver sur les serveurs des compagnies qui vont avoir justement le service d'héberger vos datas ou votre information ou encore ce que vous faites comme activité par rapport à votre compagnie. Et c'est comme dire que vous envoyez quelque chose par la douane, sauf que la douane ne va jamais nécessairement regarder ce qu'il y a à l'intérieur du colis. Donc, c'est un petit peu là où que Norton voulait se positionner avec ce documentaire-là, c'est qu'il devrait y avoir une régularisation des choses. Mais le but même de la chose est qu'il n'y a pas de régularisation. Exactement. justement, c'est un petit peu ce qu'un des propriétaires d'une compagnie dit, c'est qu'en fait, on se base sur la confiance qu'on a avec nos clients et nos clients nous font confiance justement parce qu'on vérifie pas ce qui se trouve dans leur serveur. On vérifie pas non plus ce qu'ils ont comme data. Eh bien, c'est sûr et certain qu'il y a plusieurs choses qui se passent dans plusieurs compagnies de serveurs qui est vraiment pas clean parce que dans le documentaire qui a été de Norton, qui a été fait en Europe, il y a une des compagnies qui dit que c'est sûr et certain qu'il y a plusieurs informations sur leur serveur qui sont des informations cryptées gouvernementales. Ouais, top secrète. Top secrète que personne ne devrait savoir et qu'eux-mêmes n'ont pas la responsabilité d'ouvrir. Mm-hmm. Sauf que c'est sûr qu'il y a des choses qui sont là-dessus, qui sont entièrement pas légales. Ben, si c'était pas là-dessus, ce serait ailleurs. Il va tout le temps y avoir un corridor secret pour partager des choses illégales, que ce soit sur un serveur d'une grande compagnie ou un serveur dans un autre pays où là, il n'y aurait pas de réglementation. Il va toujours y avoir quelque chose en quelque part et tu ne peux pas l'empêcher. Oui, tout à fait. Puis, depuis quelques temps, en fait, on met sur la map, on met sur la toile un petit peu la façon d'accéder au web, au fameux dark web. Comme je le disais tout à l'heure, si vous allez sur YouTube, vous écrivez, par exemple, si vous êtes spécialisé là, en français puis vous ne savez pas trop comment y aller en anglais, vous tapez « accéder au dark web » et je vous jure qu'il y a des dizaines et des dizaines de vidéos qui vont vous expliquer comment accéder à ce fameux dark web-là. Ça me surprend qu'il n'ait pas été enlevé, ces vidéos-là. À vous, il y a aussi, par exemple, certains articles qui vont vous expliquer que vous pouvez passer par Tor, que vous pouvez passer par Freenet, I2P. Ce sont tous des bases qui vont être spécialisées dans la façon d'accéder au dark web. Donc, ce manque de filtre-là, un petit peu, c'est inquiétant parce que tu dis que n'importe qui peut accéder au dark web rendu en 2017, tout simplement en allant chercher sur YouTube comment y accéder. C'est un petit peu la même façon qu'on apprenait il y a quelques années comment faire des bombes. Là. Si on regarde ça comme ça, ça revient un petit peu à la même chose. Mais si on regarde, par exemple, Tor, qui est un des systèmes le plus facile pour arriver au dark web, pour accéder au dark web, c'est un des plus populaires. L'icône avec le petit oignon, là. Oui, exactement. C'est sans aucun doute, en fait, sa facilité d'utilisation. Et c'est pourquoi les gens sont si attirés par la facilité d'utiliser Tor. C'est anonyme justement... complètement, c'est que tu peux aller aussi faire juste des trucs qui sont illégaux, mais plus soft, comme dans télécharger des émissions de télé, des films. Exactement. Ou faire un téléchargement de logiciels, par exemple. C'est ça, exact, de la musique. De la musique ou peu importe. Ça va souvent se passer sur le dark web, sur le web profond. Mais ce qu'on comprend pas toujours... Lorsque, par exemple, je sais pas moi, un petit Joe connaisseur là, comme toi puis moi, là, qui connaît pas tant ça, le dark web, décide d'aller se télécharger un film, c'est que souvent, l'encryptage que vous allez avoir pour votre film va vous amener à un autre encryptage du dark web qui va souvent être, par exemple, soit de l'achat d'armes, soit de l'achat de pornographie juvénile. Et c'est à ce moment-là que ça va devenir très, très difficile à gérer sur votre propre système informatique. C'est que vous serez plus capable de vous défaire de l'image que vous allez être, par exemple, acheteur de pornographie juvénile sans nécessairement en avoir acheté. Vous allez avoir téléchargé un film, par exemple, je sais pas, moi, Snowden, mettons. Snowden, par exemple. Sauf que l'encryptage a été encrypté avec une donnée comme quoi vous faisiez aussi de la pornographie juvénile. Donc, automatiquement, vous allez être un pop-up à quelque part dans les systèmes de sécurité du cyber-internet. Je me suis déjà renseigné un petit peu, et là, on va y aller sur des trucs illégaux tant qu'il y a dans cette chronique-là. Quand je télécharge des émissions de télé ou des films, des fois, j'ai reçu un avertissement de mon fournisseur Internet pour me dire « Bon, t'as téléchargé l'émission d'un grand réseau américain. » c'est ton premier avertissement, il va y en avoir, n'ayez pas peur plus qu'il faut, mais les avocats vont peut-être se mettre là-dedans bientôt. J'ai trouvé une option d'encrypter ton téléchargement de Torrent. Donc dans votre logiciel de Torrent, vous pouvez cocher l'option de seulement utiliser les paires encryptées, donc que ça passe d'un ordinateur à l'autre sans être public. Apparemment que ça fonctionne mieux, donc cocher cette case-là si ça vous adonne. Oh, c'est fou quand même. C'est ça. Apparemment. c'est intéressant. Mais tu sais, on n'est pas des experts non plus, là, mais c'est ce que j'ai lu. Non, c'est sûr, là, mais ça, le dark web va automatiquement nous amener à la cybercriminalité. Mm-hmm. Et c'est souvent dans cette optique-là qu'il y a plusieurs nouvelles sociétés de sécurité qui vont se spécialiser. C'est qu'eux aussi vont engager des gens qui sont, par exemple, des hackers, qui sont des fous de l'informatique, qui connaissent extrêmement bien ça et qui vont faire de la sous-contractation. Ouais, exact. Avec des firmes de sécurité qui sont beaucoup plus grandes. Donc, par exemple, le SCRS ici au Canada ou encore le FBI aux États-Unis, ils vont avoir, eux, des sous-contractants qui vont être des hackers, qui vont être spécialisés justement dans l'art de tout savoir du dark web et qui vont faire une espèce de lutte à la cybercriminalité. C'est le fun parce que ça m'a amené justement à un autre extrait de conférence que Ashton Kutcher a donné récemment et qui expliquait que lui-même a une compagnie sous-contractante qui travaille avec le FBI et qui se spécialise justement dans la recherche de tout ce qui est pas pédophilie, mais ben, quasiment en fait tout ce qui est pornographie juvénile. Et ils ont réussi à ce jour, en 2 ans, à trouver plus de 6000 pédophiles, là, disons-le comme ça, qui faisaient du trafic de jeunes enfants. Et c'est en étant sous-contractant avec le FBI, lui-même en ayant engagé des hackers, qui ont réussi à pouvoir mettre ça sur pied. Donc, à un certain point, si on connaît si bien le dark web, ça peut quasiment nous être avantageux si on veut faire une bonne chose de ça. Mais c'est sûr que si vous décidez de vous aventurer, là, mettons, là, sur le dark web, il faut absolument être certain que vous savez ce que vous faites. Ouais. Premièrement. Deuxièmement, il faut que vous ayez un antivirus assez exceptionnel, merci, sur votre système informatique parce que c'est une trappe à virus. C'est. Il faut savoir ce que vous faites. Si vous n'avez jamais utilisé le dark web et que vous essayez maintenant, vous ne savez pas ce que vous faites. Exactement. Tu sais, il existe aussi une certaine confusion entre différents groupes d'individus qui vont commettre, par exemple, de la cybercriminalité ou qui semblent commettre de la cybercriminalité. Et c'est vraiment là, c'est que la limite est très, très mince, en fait, entre ce que vous faites faire qui va être criminel dans le dark web et ce qui ne l'est pas. Si vous faites juste, par exemple, naviguer par simple curiosité, comme vous navigueriez, par exemple, sur Google, bien, si vous le faites sur le dark web, automatiquement, la limite est beaucoup plus mince parce que vous allez être beaucoup plus surveillé que si vous le faites, par exemple, sur Yahoo ou sur Google. Donc, c'est quelque chose que vous devez garder en tête. Et selon le code de criminologie du Canada, ben, l'objectif, en fait, c'est de tester la sécurité des logiciels, de tester la sécurité des équipements, justement avec l'autorisation des propriétaires. Et c'est un petit peu aussi aucune intention malicieuse à la base de certaines compagnies que de tout simplement faire une certaine régularisation des choses, de ce qui se passe sur Internet. Et comme on le disait tout à l'heure, ce que nous, on connaît du web véritable, c'est 20% de sa capacité. Dépendant même des chiffres, hein, selon Wikipédia, tantôt je disais que c'était 96% le deep web et 4% ce qui est accessible. Donc, tu sais, 80-20, 96-4, il y a beaucoup, beaucoup de choses cachées. Donc, tu sais, quand on se dit que maintenant, on peut vraiment trouver de tout sur Internet, ben avec le dark web, c'est encore plus vrai. Vous pouvez... tu sais, c'est dans un des documentaires que j'expliquais, c'est que c'est extrêmement facile de se trouver une nouvelle identité sur le dark web. C'est extrêmement facile de se faire faire un nouveau passeport, par exemple. C'est facile relativement à le faire d'une façon... Exactement, autre. On s'entend. Là, il va toujours y avoir de l'argent en bout de ligne. Ce que vous allez faire sur le dark web va rarement être gratuit. Ouais. Vous allez tout le temps avoir quelque chose à débourser et garder en tête que si vous y allez avec votre carte de crédit pour avoir des bitcoins, ben c'est surtout sur le dark web aussi qu'on emmagasine les numéros de carte de crédit. On vous dit merci pour votre carte de crédit. Exactement. Donc, c'est un sujet que je trouve quand même assez captivant. Ouais. Je reste en surface, bien évidemment, parce que je ne suis pas une grande connaisseuse de ce qu'est le système informatique. Je m'en cache pas. Si j'avais à faire plusieurs cours, je pense que c'est sûr et certain que j'en ferais un en informatique juste pour pouvoir savoir de quoi je parle du mieux que je peux. Pour pouvoir, j'allais dire pour pouvoir impressionner les petits garçons geeks, là. Ben, peut-être aussi, là, mais il faut comprendre que, justement, quand nous, on pense connaître tout ce qu'il y a sur Internet, c'est vraiment pas vrai. Il faut toujours faire attention aussi à qui on va laisser entrer sur notre ordinateur maintenant, en 2017. C'est pour ça que je trouve ça vraiment épeurant que Trump continue d'utiliser son Samsung Galaxy S3. justement. D'il y a plusieurs années, alors que c'est aucunement encrypté. Tous ces professionnels en sécurité lui disent d'utiliser un téléphone qui est protégé. Tous les présidents récents, les deux précédents, ouais. Bush et Obama, utilisaient des téléphones, par exemple des BlackBerry qui étaient très sécurisés. Et là, Trump, j'utilise mon S3 pour faire des conversations avec des présidents de d'autres pays, pour tweeter, bien sûr, surtout. Mais il y a plein d'informations top secrètes qui peut-être se transfèrent par ce téléphone-là. Et apparemment que ce téléphone-là est tellement daté, est tellement pas à jour, qu'il est super facile à hacker. Donc moi, ça me fait peur que le président américain soit aussi insouciant de tout ce qui est cybercriminalité. En 2017, avec la Russie, attends un peu, hein? Oui, vraiment, c'est vraiment très inquiétant. Et c'est drôle, tout à l'heure, on parlait justement de ce qu'on connaît, de ce qu'on connaît pas du web. Bien, en 2008, il y a eu une recherche qui disait que le web, qui est parfois appelé le web invisible pour le dark web aussi, ça représentait 75% de l'ensemble, soit environ un trilliard de pages non indexées. Tu sais, ce qu'on connaît de Google, là, quand vous faites une recherche Google, tout ça, c'est indexé. Quand on parle du dark web, c'est justement, tout à l'heure, on disait que pour accéder par exemple à une page certaine, il faut en connaître l'adresse exacte parce que vous n'aurez pas de moteur de recherche pour cette page-là. Tu peux écrire dans le coin, cette page est du dark web non plus. Là. Exactement. T'sais, donc, de ce côté-là, il y en a un trilliard de pages qui sont non indexées sur le dark web. C'est incroyable. Ouais. Et là, c'est un environnement qui est... Mais c'est tout... Genre, on sait pas. Là. On dit ça, mais tu sais... Il y en a peut-être plus, il y en a peut-être... En 2008, hein, on est rendu en 2017. C'est ça. Je dis ça comme ça. C'est fou. Mais bon, tout ça pour dire, faites ce que vous voulez avec votre Internet, mais sachez qu'il faut toujours avoir quand même un bon système de sécurité sur notre système informatique. Sinon, vous allez souffrir de vos actes. Probablement. Voilà. Merci, Tania. Fait plaisir. Très fascinant. On en reparlera peut-être une autre fois. À un moment donné, probablement, parce qu'il a vraiment été en surface. Là. Mais si je vais essayer de vous partager et de retrouver les documentaires que j'ai écoutés. C'est vraiment très passionnant. C'est le fun sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Tania Isgolet, Tania, tous les matins de semaine à Assemblage Requis. Merci encore. Fait plaisir. On prend une pause. Au retour, David Ferron va être avec nous. Qu'est-ce que tu nous présentes tantôt, David? Des tounes. Yeah! Au retour, Assemblage Requis. T'es vraiment un très mauvais vendeur. Restez là. Toujours à Assemblage Requis en ce mardi 21 février 2017. Elle est Talia Baudin. Et Mathieu Plante. Tout à l'heure, à la fin de l'émission, on devrait pouvoir avoir le temps de jouer à Le Vrai Le Faux ensemble. Ouh. Ça va être le fun. Mais justement, David Ferron arrive. Salut, ah, David. Ouais? Salut. Hello. Ça va? Ben oui, vous deux. Ben oui. Ton eau pétillante au citron te rafraîchit? Oui. C'est génial. Justement, lui, il est tellement rafraîchissant. Là. C'est comme ça te remonte dans le nez un petit peu avec les bulles. Là. C'est David Ferron. Il fait cet effet-là aux gens, d'habitude. Voici la carte Bleach. Ah. Il est encore en train de faire son lettre s'en aller. Oui. Ouais. Il est rendu de mon côté. Je me sens surveillé. Je t'écoute ici. Ah! David! Incroyable, David! Il réussit à rouler sur sa chaise d'un bord à l'autre du studio, là. mm-hmm. comme un handicapé. Avec sa chaise roulante. Bonjour. Allô. C'était pas un commentaire sur les handicapés. C'est un commentaire contre David Ferrand. Okay. Donc, David... C'était méchant pour les handicapés, ça fait pas mal. Donc, David Ferron, qui est là toutes les semaines, habituellement pour parler, disons, le campus aux deux semaines, mais la semaine entre les deux, il est là pour la carte bleachée. Ça me tente plus. Ça me tente plus. Tu nous présentes tout le temps de la musique. Ça me tente plus. Que tu as découvert pendant la semaine. Peut-être des trucs dans une thématique, peut-être des trucs par rapport à un concours de chant, peut-être pas. Hein? Pas cette semaine, c'est quoi? Pas cette semaine, c'est aléatoire. Oh, wow! Ben oui, c'est aléatoire comme peut-être va te faire pogner si tu vas dans le dark web. Oui, ça, oui, OK. Pour rester dans la thématique. Ouais, ouais, c'est une référence comme une autre. Ben oui. C'est quasiment aussi bon que mes gags. J'essaye. Merci. Donc, je ferai pas des blagues aujourd'hui, mais je vais vous parler de la musique. Glazik. Ouais. Donc, je commence... La musique glazik. Classique. Classique. Basique. Faut juste se répéter ce que tu viens de dire. Ouais. Ah. De la musique. De la musique. Puis là, il a répété Zik, je pense. Ah, Zik, ok, excuse-moi. Oui. Ok, c'est ça. Okay. De la musique, Zik. Zik. Oui. C'est ce qu'on a compris classique. Ouais, c'est ça. Ah, ouais, non, pas du tout. C'est de la musique prise de manière aléatoire. Ah. Oui, à un moment donné, je suis allé dans l'univers de la musique et j'ai fait, je prends cette chanson-là. Ouais, t'es comme Astérix, je pense que t'es né dans un chaudron de musique. Et de bouffe. Et de bouffe. Ben oui. Tu manges beaucoup, David? Un peu. Mais pour revenir à la chanson, parce que je bouffe de la musique, mm-hmm. donc tout ça pour dire que j'aime bien la musique. Oui, on a fini par comprendre. Ouais, mais je suis pas certaine, il va parler de musique. Je pense qu'on va écouter de la musique. Hey, aujourd'hui, il est malaise. Hein? C'est incroyable, excuse-moi, David. Moi, c'est comme je m'en fous un peu, je suis comme... Juste que ça finisse. C'est ça? Je peux juste faire ma chronique et m'en aller, s'il vous plaît. C'est pénible. Pour nous aussi, non? Ouais, imaginez les auditeurs. Ah, c'est exactement. S'il en reste. Non, c'est une blague. Bon. Parce que je pense qu'on manque tous un peu de sommeil. Oui, vraiment. Fait que tout ce qu'on dit ne sort pas nécessairement comme on y a pensé dans notre tête. C'est de l'excellente radio. Ouais. C'est vraiment... ouais, c'est ça. C'est de la radio poubelle. Mais tu sais, juste le petit jus qu'il y a dans le fond, là. Ah, okay. Qui traîne dans le corridor, c'est ça notre... C'est le jus de radio. Jus de radio de poubelle. Ah, pourquoi pas, ça pourrait s'appeler ça canette radio. Ouais, oui, ouais, oui. Bah ouais. Ah, j'ai aucune inspiration, mais pour aller à ma chronique... Ah oui, de la musique, je pense. Je pense que oui. Mm. OK, on t'écoute. On baisse nos micros, on baisse la musique de fond. On est prêt. Le spotlight est sur toi. Ouh, ouh, ouh. C'est vraiment un plat, pas de fond. Hein. Ouh, ouh. Ouais. C'est différent, mettons. Ouais, c'est ça. C'est bizarre. Ouais, je sais. Ça fait pas très nous. Donc, sur cette musique de fond, on va faire une chronique musicale. C'est n'importe quoi. Sérieux, David! Aïe! En braille! Non. Non. Mais... Il dit non en plus, t'as pas le choix. Fais le tour de temps avec ta chaise puis respire. Va chercher un sandwich. On te donne pas vraiment l'opportunité de dire non là. On voulait faire une autre chronique, on avait d'autres choses, je pense. Oui, au revoir. Ah, bon, mais en fait, la première pièce, dans le fond, c'est trois chansons que j'ai découvertes en fin de semaine et que je vous partage. C'est des partages de fin de semaine. Oui. Donc, la première, c'est Battle Without Honor or Humanity. Il y a vraiment trop de H dans cette chanson-là. Ça vient, en fait, du musicien Hotei, qui vient du Japon. Mm-hmm. Mais je sais pas si je le dis bien. Papa Hotei. Ouais. Mais ça, c'est plus africain. Mais non, en fait, c'est un jeu de mots, Papa Hotei. Donc, et pourquoi je vous parle de cette chanson-là, c'est qu'en fin de semaine, j'ai eu le goût d'écouter Kill Bill Volume 1. OK. Ça me tentait. Ouais. Puis, soudain, c'est ce que je fais. Et là, il y a une scène, je sais pas si vous vous rappelez un peu de Kill Bill Volume 1. J'ai même pas vu ça. Ah non? Non. Mais en fait, il y a une scène où c'est qu'une des amies de, en fait, de l'héroïne principale... Uma Thurman. Oui, exactement, Black Mambo. Mm-hmm. Elle, ce qu'elle fait, c'est que en fait, elle se rend au Japon pour en finir avec une de ses adversaires. Sans tout dévoiler, donc cet adversaire-là qui est incarné par Lucy Liu ou sinon la Dr. Watson dans Elementary. Ben oui. C'est donc elle arrive avec son armée des 88 fous ou les Crazy 80 Heads et il y a une musique qui arrive en trame de fond et c'est la toune Battle Without Honor or Humanity. C'est une toune qu'on a tous entendue une fois dans notre vie. Ah, ok, ok. Moi, j'avoue que la trame sonore est assez classique de Kill Bill Volume 1. Oui. On la reconnaît. Oh, oui, c'est une toune que tout le monde a entendue au moins une fois dans sa vie. Cool. Et justement, cette toune-là de Tomoyasu Otei, qui est chanteur, guitariste et acteur aussi. Mm-hmm. Donc, un homme très occupé. En fait, cette toune-là qu'on va entendre, ça s'est retrouvé dans les films Transformers, dans des jeux vidéo comme Gran Turismo, ou encore les équipes sportives s'en servent avant leur match. Donc, c'est une toune qui est beaucoup, beaucoup utilisée et Otei a une grosse carrière parce que depuis 1988, il a sorti 16 albums solo, dont 5 volumes de... Et le titre très, très, très énorme, très compliqué, Guitar Rhythm. Ah, bon... Guitar Rhythm. Ouais. Volume 1, volume 1, 2, volume 3, volume 4, volume 5. Wow. C'est très inspiré. Ouais. Donc ça, c'est la première tune qu'on va entendre. Après ça, ça va être Into You d'Elastic Band. Et ça vient de l'album Honey Bun. Et ce jeu de mots, Elastic Band, comme dans un lien, et non pas comme Elastic Band, comme un élastique. Ça. Ah, j'avais pas pensé à ça. C'est un bon jeu de mots, ça. Ah, puis moi, j'essayais, parce qu'il disait que ça vient d'un principe physique, fait que moi, je suis allé sur Wikipédia essayer de comprendre, mais peut-être non. Peut-être aussi, ouais. Tu l'as mieux expliqué, je pense. Ça se peut. Et l'album, justement, Honey Bun, c'est sorti vendredi dernier, donc c'est tout chaud, tout frais. Wow! Oui, comme une brioche. Miam! Ah, un jeu de mots. Leur album s'appelle Honey Bun. Ben oui, c'est ça. Ben, je sais pas si c'est brioche ou... parce que C'est un truc au miel, mais non, je me rappelle pas c'est quoi le nom de ça. C'est Honey Bun. Ouais, c'est parce que ça ressemble à une brioche, mais c'est glacé. Ouais, Ah, c'est très bon. C'est ça à la cannelle. Un beignet. Ouais, peut-être, mais c'est de quoi qui se passe créer qui va bien le matin. Ouais, je sais pas, je trouve pas. Continue, je vais chercher encore. Donc, la chanson Into You, c'est assez bizarre ce que je vais dire, mais ça me fait penser à Rien à faire de Mère-Pierre Arthur. Ah, ok. Ça me fait penser un peu à ça. Je sais pas si c'est le côté mélange d'atmosphère et groovy que la toune propose, mais selon le groupe Elastic Band, est un groupe de musique qui propose des univers issus de Brooklyn, Miami et San Francisco. Oh. Et c'est un groupe de 6 musiciens qui combinent électro, rétro et véritable instrument. Miam. Apparemment que Honey Bun, c'est un petit pain au miel. C'est ça, ça a l'air d'une brioche. Ouais, ça ressemble beaucoup à une brioche. C'est aussi délicieux d'ailleurs. Ouais, puis ça, c'est origine de la Suède. Oui. J'espère qu'ils ont fait des prévisions assez tendues. Oui, après la grande attaque terroriste là en Suède, là, où quelqu'un a renversé une poubelle comme le gif animé. Et ça, c'était drôle. Donc, pour revenir, ça va bien, j'ai présenté 2 tunes sur 3. Hey, bravo, sans on y arrive, il en reste juste une. Ah non, c'est vrai. C'est juste le début qui est long. Après ça, on est correct. Ben oui, mais c'est le même plus de temps. Ben oui. Au moins, il sait. C'est ça. Ça s'assume. Il est comme un petit pain au miel collant. Oui, exactement. Je suis délicieuse pour ça. Ouais. Et voilà. Donc, la troisième tune, c'est Venus Fly featuring Janelle Monáe. Et... Ah, on l'aime bien, Janelle Monáe. Pas Janelle Monáe. Oui. Ben oui. Donc, c'est Grimes qui nous propose cette chanson-là. Et je vous avoue que Grimes, j'aime pas tant que ça, habituellement. Mm-hmm. Je le sais, il y a des gens qui vont vouloir me tuer, m'écarteler, me décapiter en disant ça, parce que Grimes a ses fans. Ouais, populaire quand même. Très dévoué, mais Grimes, mettons la tune Oblivion, je me rappelle. Oblivion? Ouais, j'ai pas trippé là-dessus. Non, c'est plate un peu. Ouais, mais là, cette fois-ci, c'est une tune assez bizarre. C'est comme du techno-tribal. OK. Et en fait, c'est sorti de l'album Heart Angels qui est sorti en décembre 2015. Donc ça fait un bout, mais le clip Venus Fly, c'est sorti il y a 3 semaines. Mmh. Et ça dure 7 minutes. Il est divisé en 2. Le clip en tant que tel et le générique d'à peu près 2 minutes et demie. Mmh. Où ce qu'on voit les espèces de. Le clip en ralenti ou avec des effets pendant le générique. Donc. Ce matin, si votre but, c'est de prendre des substances peu recommandables légalement, ça se peut que vous fassiez un bad trip en voyant le clip. Parce que c'est, en fait, l'univers des mangas, mais avec des ralentis, avec des jeux de lumière. C'est assez spécial. Je t'attends de nous poster ça sur la page Facebook d'Assemblage Requis, s'il te plaît. Ce serait fun. Si vous êtes prêts. Ben oui. Est-ce que t'as vu Janelle Monáe dans Hidden Figures, le film? Ben non. Est-ce que t'as vu, non? Ben non. Tania, non plus? Non, non plus. Moi, je la connais seulement comme musicienne, en ouais, c'est ça. Parce qu'en tout cas, elle a l'air cool. Pas mal dans ce film-là. Ah, ben, faudrait Hidden Figures. Hidden Figures, c'est le film avec les informaticiennes de la NASA. Ah! Ah, oui! Ça a l'air bon, ce film-là. Oui, vraiment. Ouais. Ben oui, donc à marquer dans mes suggestions. Ouais. Et pour revenir à Venus Fly, c'est que la chanson, ça dénonce les critiques faites à l'endroit des deux chanteuses. Et la métaphore de la Venus Fly, et en français, la Venus Fly, c'est Dionée attrape-mouche. Ouais, c'est la fleur, là, style piranha un peu. Là. Oui, oui, ouais. C'est une fleur cannibale, carnivore. Voilà, carnivore. Donc, en fait, c'est une métaphore. La tune Venus Fly, c'est... Ça veut dire, dans le fond, qu'on décide d'avaler les commentaires négatifs. Mm-hmm. Comme une plante carnivore. Ah. Et dans l'un des passages de la toune, Janelle cite « Why you always call it black? Why you always talking smack? » Et ça, c'est pour dire qu'elle est tannée qu'on dise que sa musique, c'est de la musique de noir. Ben oui. Ou de dire que c'est de la musique, tout court. Tout à fait, d'accord. Donc, c'est vraiment... Mais on ne les entend pas bien parce que le son est très tribal, c'est très chargé. La musique de noir? Non, excuse-moi. Oh. C'est une blague. Mathieu. Ouais, il fallait que je le fasse. Mais c'est très loin de l'univers normal de Janelle Monáe, qui est plus dans l'R&B expérimental. C'est vraiment très bon ce qu'a fait Janelle Monáe. Une des tunes, c'est Tax Trope. Le clip aussi, ouais. Il vaut la peine cool. D'être vu. Si vous voulez, en passant tantôt, j'ai fait référence à Hidden Figures. En français, c'est les figures de l'ombre. Oh. Je ne savais pas. Ouais. Donc, on est prêt pour entendre tes trois pièces, si je comprends bien. Enfin. Enfin. Commençons avec Hotei. Et Battle Without Honor or Humanity dans la carte bleachée de David Ferron à Assemblage Requis. Sur C'est fou. Ah ouais, on la reconnaît déjà. Ben oui. Pub de char, il me semble qu'il y a eu là-dessus. Ah, mais ça a été partout. Ouais. We'll be right back. Rhymes featuring Janelle Monáe avec Venus Fly. Oui, ça rentre dans la tête pas mal, ce tune-là. Mais ça. Avant, c'était quoi? C'était Otai avec Battle Without Honor. Non, avant ça, c'était Elastic Band avec Into You. Exactement. Mm-hmm. Et avant, Otai avec Battle Without Honor or Humanity. Exactement. Dans la chronique de David Ferron, merci beaucoup pour ta carte bleachée encore. Ben, merci de m'avoir accueilli. On se retrouve toutes les semaines, une semaine sur deux pour Zone Campus et l'autre semaine pour ta carte bleachée. Eh oui. Tous les mardis donc à 8h30. Ben, merci beaucoup. Merci David. Ah, j'oubliais tout le temps de le mentionner. Je suis pas très bon pour les plugs apparemment, à part pour les miennes. de t'écouter les jeudis à 16h pour l'Optrotter, ton émission de musique du monde. Oui, puis absolument, l'émission part rondement. Alors qu'ici, ta chronique démarre très, très rectangulaire. Oui, exactement. Même de manière octogonale. Voilà, pas mal. Avec des angles ouverts. C'est à cause du logo de C'est fou, tu sais. Que personne voit parce qu'on est une station de radio. Mais quand même, c'est un genre de polygone. On devrait en mettre un dans la grosse fenêtre là, pour au moins quand les gens viennent livrer quelque chose, ils voient que c'est un studio de radio. Puis là, ils entendent ma chronique, ils font comme « Non! » Je vais écouter Rhythm FM après. Ah! Oh! Les blagues qu'on fait, c'est fou, c'est sur Rouge FM, pas Rhythm. Ah, excusez. On a des amis, chérie. Donc, c'est pas vrai du tout. C'est absolument pas vrai. C'est une blague. Donc, merci, David. Sur ce malaise, au revoir. Je me suis abstenu de commentaires. Au retour de la pause, le vrai, le faux. Mais malheureusement, David reste pas pour le vrai, le faux. Non. Donc, j'ai tout seul à jouer. Ben oui, ça va être la fin. Tu vas gagner tout seul. Je vais jouer moi aussi. Je vais laisser gagner. Ouais, c'est ça, t'as toutes les réponses devant toi. Merci. Sondage de qui? Pour toi aujourd'hui. Sondage de qui? Vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage de qui? Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage de qui? Toujours dans Assemblage requis avec Tania Baudin. Et Mathieu Blanc. Mathieu, je vais jouer toute seule. Oui, tu vas jouer toute seule à le vrai le faux. Mais c'est avant, triste. T'as encore le temps de te préparer un petit peu, de te faire des exercices de cerveau parce qu'on va aller se renseigner sur ce qui se passe autour de nous. Ah, OK, c'est bon. Mm-hmm. Voici maintenant l'Info Campus, présenté par le journal Zone Campus. C'est le temps de déposer sa candidature pour le concours Ma thèse en 180 secondes. Il s'agit d'un concours où les étudiants doivent, en 3 minutes, présenter leur sujet de maîtrise ou thèse. La prochaine édition aura lieu le jeudi 6 avril à 16h30. La date limite pour s'inscrire est le 28 février à 23h59. Pour plus de détails, il faut googler thèse 180 secondes UQTR 2017. L'AGE UQTR lance présentement son concours de bourse. Plusieurs secteurs sont visés. Implication, associations étudiantes, projets scolaires, journaux étudiants, etc. Les formulaires qu'il faut remettre d'ici le 1er mars prochain sont disponibles au local 1033 du pavillon de la vie étudiante de l'UQTR. Avis à tous les étudiants qui aiment s'impliquer et faire une différence dans leur milieu. L'AGE UQTR lance l'appel à la candidature pour tous les postes au sein de son exécutif. Finance, vie associative, communication, vie académique, etc. Les formulaires sont disponibles au local 1022 du pavillon de la vie étudiante de l'UQTR. Date limite pour soumettre sa candidature, le 3 mars à 17h. L'Université du Québec à Trois-Rivières prend part à l'enquête nationale sur la participation étudiante. L'Université invite les étudiants qui ont été contactés par courriel à y participer. Le but de l'enquête est de mieux connaître l'expérience scolaire et d'y apporter des améliorations. C'était votre capsule Info Campus. Pour d'autres nouvelles, lisez Zone Campus et visitez zonecampus.ca. L'Info Campus qui est bien sûr écrit par David Ferron, le rédacteur en chef du journal Zone Campus, qui vient de nous quitter sauvagement pour ne pas jouer à le vrai le faux. Et c'est lui par Tania Baudin avec une voix particulièrement différente de d'habitude. À vous, hein? Je sais pas, t'étais pas dedans, je pense. Je sais pas si j'étais pas dedans ou bien si je prenais ça vraiment très à la légère. T'en foutais complètement. À la légère. Écoute, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas. C'est pas grave parce qu'on a une nouvelle capsule tous les lundis à Assemblage Requis. On la joue tous les jours, du lundi au jeudi à 6h30, à 8h30, 9h, à midi et à 18h, ainsi que les vendredis à midi et à 17h. C'est ça. Voilà, c'est pour l'Info Campus. Maintenant, on l'a dit, c'est le moment de jouer au jeu préféré de pas grand monde, mais ça commence. Ça commence tranquillement. C'est le vrai, le faux. Cette langue est très mélodique, mais c'est un peu triste. Vous n'y comprenez rien. Vous n'êtes qu'un touriste. Et toutes vos photos sont floues, même celles où vous posiez debout devant ce très beau monument, dans le soleil couchant. Vu à la télévision, un homme de 40 ans aurait trouvé un corbeau blanc, sans trop savoir comment annoncer aux informations. Deux ou trois mots à la radio et sur Internet, une tempête d'images, un faisceau. Le vrai, le faux se touche dans le noir. Car oui, vraiment, on ne peut pas tout savoir. C'est le vrai faux, la chronique où on décide de ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Donc on départage la vérité des mensonges, un peu comme toutes les fake news qui peuvent se propager dans les médias là. Clairement, comme la plus longue intro à une chronique ever. Parce que je l'ai pas encore monté. Je l'ai dit à chaque fois, je l'ai pas encore monté. Oui, je sais, Mathieu. J'attends qu'une chronique devienne populaire avant de la monter moi-même. Bref, tout ça pour dire que c'est Talia qui va jouer toute seule aujourd'hui parce que David Ferron nous a fait. Parce que David m'a abandonné. Il nous a posé un lapin. Donc aujourd'hui, en plus, j'avais choisi une thématique exprès pour David Ferron. C'est plate, hein? Donc c'était à lui de rester. Donc notre thématique aujourd'hui est sur Donald Trump. Oh, ok. Hein, c'est pas pire. Commençons par. J'ai vraiment peur parce que on sait jamais à quoi s'attendre avec Donald. Et voilà, c'est le but de la chose. Donc pour commencer, la ligne de commentaires de la Maison Blanche était-elle désactivée? Lorsque Trump est entré, son administration, ils ont fait éteindre apparemment la ligne de commentaires de la Maison-Blanche. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? On peut envoyer des commentaires par téléphone. Il y a beaucoup de choses qui ont été enlevées cette journée-là sur le site de la Maison-Blanche. Je veux dire que c'est vrai. Mais non, c'est pas mal faux. En fait, il y a une partie de vérité, mais je ne peux pas donner le point parce que c'est majoritairement faux. D'accord. Ce qui est vrai, c'est que la ligne de commentaires de la Maison-Blanche ne fonctionnait pas en janvier 2017. C'est tout à fait vrai. Lors de l'investiture du président Trump, la ligne ne fonctionnait pas. Par contre, ce qui est faux, c'est que la ligne de commentaires était déjà non opérationnelle à la fin de la présidence de M. Obama. Et ça n'a juste pas été ramené par le président Trump. Donc, en janvier 2017, le site web Addicting Info a publié un article nous disant donc que l'administration Trump avait désactivé la ligne de commentaires, mais c'est pas vrai du tout, absolument pas. Ah, mon Dieu. Voilà, donc c'était presque une semaine avant que le président Trump prenne le bureau. Donc, le 14 janvier 2017, le Washington Times disait que l'administration Obama avait fermé la ligne de commentaires téléphonique, j'imagine pour une question de coût. Le message enregistré dit aux personnes qui appellent d'envoyer des commentaires via Facebook Messenger à la place. Et puis, la page Facebook de la Maison-Blanche du président Obama a Messenger installé. En tout cas, avait le Messenger installé à l'époque où il était président. Là, la page est archivée ou a changé d'adresse, donc j'imagine qu'on peut plus lui écrire. Donc voilà, c'est pas mal faux en général. Ensuite, est-ce que c'est vrai qu'un manifestant a mis les cheveux d'un fan de Trump en feu? Une vidéo qui apparemment capture le manifestant anti-Trump en train de mettre feu à un supporter de Trump avec un briquet. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est un montage vidéo? C'est faux. Faux? C'est vrai. Hein? Ben voyons donc, le monde est donc ben fou. Ouais, donc c'est le 20 janvier 2017, une vidéo montrant un manifestant anti-Trump en train d'allumer les feux de supporters de Trump a été publiée sur YouTube. Le texte au début de la vidéo disait que l'incident avait lieu le 20 janvier 2017 lors d'une manifestation du jour de l'investiture. La vidéo a été partagée fréquemment sur les réseaux sociaux en disant par contre que ça s'était passé à la marche des femmes à Washington, mais ça c'était la partie fausse là. En tant que tel, c'est vraiment lors d'une manifestation de la journée de l'investiture de Trump. Une femme qui s'identifie sous le nom de Maggie Mackenzie Ulam, la fan de Trump, dans une casquette rouge dans la vidéo. Je fais un petit peu de contexte à la scène. Vous pouvez aller voir ses commentaires sur la page d'assemblagerequis.com. Et puis, c'est ça. C'est ce qui s'est passé. Elle dit qu'elle s'excuse et que c'est que personne ne mérite ça. Ouais. Ensuite, toujours dans notre thématique Trump, dans le vrai le faux, un professeur d'art à Dallas qui a été suspendu apparemment pour avoir tiré du fusil à l'eau sur une image du président Trump. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est une parodie de nouvelles? On se le demande. Parodie de nouvelles. Parodie de nouvelles, non! Ah! C'est vrai! Ben voyons donc! C'est le 26 janvier 2017, les sources locales ont dit que le Dallas Independent School District avait placé Payal Modi, une professeure en art, à la W.H. Adamson High School, en comment t'appelles ça, administrative leave, donc tu vas aller faire de la paperasse, là, genre. Parce qu'on avait publié une vidéo en ligne le jour de l'investiture du président Trump. Cette vidéo-là est devenue virale. Ça a été partagé sur Instagram par Modi le 20 janvier 2017. Mais voyons. Le 26 janvier 2017, Dallas News a dit donc que ça a fonctionné de faire virer Modi, parce que c'est sur YouTube quand la vidéo a été repartagée, les gens disaient qu'elle devrait être virée. Modi a donc été suspendu après l'outrage que ça a créé. Cette petite vidéo de 8 secondes. Le district scolaire a dit qu'ils ont été mis au courant de cette vidéo-là, que la professeure, l'enseignante avait été placée en administrative leave et que le district avait ouvert une enquête. C'était partagé, mais c'est ça, c'est juste du fusil à l'eau, là, mais ça reste des menaces quand wow. même. Ensuite, est-ce que les Simpsons ont prédit la mort du président Trump? Une image qui montre apparemment un dessin animé de Donald Trump dans un cercueil dans la série Les Simpsons. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Mais là, je sais comme plus quoi répondre. Là. C'est l'idée du jeu, t'as Je sais, là, mais j'ai eu ça. Je vais dire que... Attends, répète-moi la question. Donc, est-ce que les Simpsons ont montré ou okay. ont prédit la mort du président Trump en le mettant dans un cercueil? Je veux dire faux. C'est faux. Yes! Bravo. Yes. C'est ma première bonne réponse, je tiens à le rappeler. Non, t'as eu la deuxième question en bonne. Ah oui, c'est vrai. C'est deux en quatre. En fait. OK, c'est bon, c'est bon. Donc, les Simpsons n'ont pas prédit la mort de Donald Trump. Non, en février 2017, une image de 10 ans montrait une capture d'écran d'un épisode de la très longue série des Simpsons, mettant en vedette donc Donald Trump dans un cercueil, a été circulée sur les réseaux sociaux. L'image a été partagée avec un message disant que les Simpsons avaient prédit la mort de Trump, étant donné que l'émission avait prédit aussi d'autres événements. Il y a plusieurs problèmes. Par contre, c'est que la première image, l'image en fait qu'on voit sur Internet, n'a pas été prise d'un épisode des Simpsons. Et c'était pas non plus dans l'article du Huffington Post qui partageait aussi cette rumeur-là, parce qu'il y a le logo de Huffington Post dans le coin de la capture d'écran, mais c'est fake. Donc, selon la vidéo espagnole de Badaboon, qui a plus de 1 million de visionnements là où l'article a été écrit, c'est eux qui ont été responsables de cette rumeur-là. En fait, c'est apparu au départ sur le forum de 4chan. Donc, c'est juste une très, très bonne copie des Simpsons. C'est quand même cool. Hein? C'est très cool. Et c'est ça, c'est juste absolument faux pour les Simpsons. Bah. Ensuite, est-ce que Ben & Jerry's ont créé une crème glacée nommée Impeachment, comme dans menthe et pêche, et Impeachment, comme dans le Impeachment d'un président, pour le destituer, pour le président Trump? Est-ce que Ben & Jerry's a créé ça? Non. Non, ben t'as raison, ça serait quand même un petit peu plus simple. Ben & Jerry's n'a pas créé Impeachment. Une image disant montrer la nouvelle crème glacée pour commémorer le président Trump est apparue sur les réseaux sociaux un peu de temps après la présidentielle de 2016 et ça a circulé pas mal après. Président Trump n'est pas le premier président à avoir sa propre parodie, si on veut, de crème glacée. Il y a Mad Magazine aussi en 2013 qui a partagé une image montrant le président Barack Obama avec la même étiquette Impeachment. Et puis évidemment, la compagnie a dit que c'était absolument pas une vraie saveur. Je sais même pas si ça serait bon. Pêche quoi et menthe? Pêche et menthe. Oh non, oui. En fait, ouais, ça serait bon, ça serait frais. Ils disent pêche et menthe avec trois saveurs difficiles à avaler qui vont laisser un mauvais goût dans votre bouche. C'est l'idée du président et de sa institution. Ouais, vu comme ça. Pas si fou. Ensuite, toujours dans le vrai le faux, on est toujours dans un bloc thématique sur président Trump. Une photographie qui montrerait donc l'ancien président en train de toucher les fesses de Melania Trump. T'as sûrement vu cette photo-là partagée sur Facebook. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un montage? Je l'ai pas vu, mais je vais dire vrai. C'est faux! Ah, c'est un montage. Ah. Ça me rassure un petit peu, au moins. Oui. Donc, le président Barack Obama qui n'a pas mis sa main sur sur les fesses de Melania Trump pendant l'inauguration de son mari, Donald Trump, le 20 janvier. Donc, le 22 janvier, une page Facebook nommée No Lab Dog Media 2 a circulé cette image-là, disant montrer ce que je viens juste de mentionner, en disant qu'est-ce que les féministes vont dire à ce sujet-là. Évidemment, on dit les fesses, mais c'est comme le haut des fesses. C'est comme entre le haut en le haut des fesses. OK. Mais l'image est fausse. C'est digitalement, numériquement, pardon, manipulé de capture d'écran d'une vidéo qui a été prise le 20 janvier 2017, alors que Donald et Melania arrivaient à la Maison-Blanche avant la cérémonie d'investiture. La vidéo montre clairement Obama en train d'amener les Trump dans la Maison-Blanche et ces vidéos-là montrent en fait que la main était bien au-dessus de celle de sa femme, Michelle Obama. C'était à 1 minute 8 dans la vidéo sur assemblagerequis.com. Et si on image, regarde de plus près la photo manipulée, on peut voir le restant du bras d'Obama qui a été numériquement changé un petit peu par Photoshop. On voit comme un ombrage de son ancien bras. Et son bras a été changé de position complètement. C'est même un très mauvais Photoshop. Ah, OK. Ensuite, c'est à dire que j'avais pas vu la photo. C'est tout à fait vrai. Ben, en fait, on te demande de pas ouvrir les articles exactement. Pour pas voir les réponses hein, quand même, mais tu peux l'ouvrir après. Ensuite, un passage qui viendrait en fait du livre « The Art of the Deal », qui est le livre connu de Donald Trump de 1987, qui conseille Trump dans le livre de ne pas laver ses mains après avoir utilisé la salle de bain. C'est comme un power play, c'est pour montrer ta puissance, ton pouvoir. Est-ce que c'est vrai qu'il dit de ne pas se laver les mains dans son livre? Je dis non. T'as raison, c'est faux. En effet, donc Donald Trump n'a pas dit aux gens de ne pas laver leurs mains. En janvier 2017, une image disant montrer un passage du livre de Donald Trump a été circulée en ligne. Un passage où il parle de cette stratégie de power play qu'il appelle en fait dans son livre le No Wash Trick, donc de ne pas se laver les mains. Je vais vous lire le passage. Arrêtez de vous laver les mains. Après être allé à la salle de bain, ne lavez pas vos mains. Pensez-y. Tu touches à tes parties. Tu quittes la salle de bain des hommes. Tu retournes à ta réunion et tu serres la main des gens. Ils ne le savent pas, mais tu leur montres. En fait, c'est, tu sais qu'à la base, ils touchent ton engin. C'est wow. C'est une question d'effet de levier, du leverage, comme on l'appelle. Ouais, non, merci. Mais c'est faux. C'est ça. C'est pas dans la page 78 de The Art of the Deal. Trump dit en fait le contraire exactement de ça dans son livre de 1997, The Art of the Comeback, donc 10 ans plus tard, se décrivant comme un fou de propreté. En fait, c'est même un fait assez connu sur Trump qu'il est germophobe. Il se dit germophobe, en tout cas. Il se dit germophobe. Il dit bien des choses, Trump. Ouais, c'est ça. Ensuite, on parle d'une mutation génétique, apparemment, selon Internet. Et là, encore une fois, c'est déterminer si c'est vrai ou si c'est faux. Ne prenez pas ça pour du cash de départ si vous êtes dans votre auto et que vous entendez juste ça. Est-ce que c'est vrai que dans les dossiers des services secrets, des Selective Service, pardon, de Donald Trump, ça indique les lettres YXX, ce qui indique que Donald Trump souffre d'une condition génétique qui s'appelle le syndrome de Klinefelter? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Une condition, en fait, génétique où un homme est né avec un chromosome X additionnel. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je dis faux. C'est faux, en effet. Boom! En avril 2011, les rumeurs en ligne ont fait surface. On disait que le millionnaire Donald Trump donc, souffrait du syndrome de Klinefelter, qui est causé par un chromosome redondant X chez les hommes. Donc, les femmes naissent normalement avec deux chromosomes X et les hommes naissent avec un X et un Y. Ceux qui ont Klinefelter ont deux X et un Y, leur donnant plusieurs symptômes, dont des testicules plus petites que la normale et un niveau de testostérone anormalement faible. Ça aurait été drôle, par exemple. Ça aurait été drôle, je sais pas, mais bon. Mais c'est faux. C'est complètement faux. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de détails sur tout ça et pourquoi que c'est faux sur l'assemblagerequis.com. Trump fait penser aussi que c'est vrai. Ben, c'est ça, exactement. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux avec. C'est ça, exactement. Ensuite, là, on a parlé de ces petits testicules présumés. Parlons de ces petites mains. Oui. Des photos sur Internet qui nous disent que Donald Trump a manipulé par Photoshop ou a fait manipuler par son équipe une photographie de la Maison-Blanche, de lui à la Maison-Blanche. Pour rendre ses mains plus grosses. Est-ce que c'est vrai qu'il a fait manipuler une photo pour que ses mains aient l'air plus grandes? Je dis non. Tu fais bien de dire non. Okay. Ça a l'air vrai, mais c'est faux. Okay, le 27 janvier 2017, un ensemble d'images disant montrer Donald Trump avec sa main sur l'épaule du président Obama a circulé sur les réseaux sociaux, disant que le président avait manipulé son image. Mais en fait, si on regarde dans la vidéo qui est offerte des chaînes de nouvelles, c'est faux. Absolument rien à dire de plus. C'est faux. Une vraie photo prise sur Getty Images et on voit, on peut comparer la vidéo et la photo de Getty et on va voir que c'est ce sont les vraies mains de M. Nice. Trump. Ensuite, des rumeurs ici sur Internet qui disent que le président Trump croit que le monde est plat. Est-ce que c'est vrai parce qu'il y a beaucoup de républicains, il y a beaucoup de gens de droite qui disent que la Terre est plate. Est-ce que Trump lui-même a dit ça? C'est en décembre 2016 qu'on a vu cette photo-là avec la citation qui dit « Je vole beaucoup ». Donc dans le ciel, et je parle de vraiment beaucoup. Personne vole plus que moi, évidemment. Il n'y a personne de moins raciste que lui, personne qui vole plus que lui. Il dit « Listen, I own a jet. » Donc je suis propriétaire d'un jet. J'ai un 757, merveilleux avion, le meilleur avion. Si le monde était rond, croyez-moi, je serais. Ça sonne Trump. Ça sonne très Trump, fait que je veux dire vrai. Ah ah, non, c'est faux. J'étais un petit peu mené sur le chemin. Hein. J'étais influencé, je pense, un peu. Bref, non, c'est faux. La phrase vient d'un article, le hoax, donc un article de parodie publié le 31 septembre 2016. C'est à aller voir, si vous voulez, sur assemblagerequis.com. Complètement faux. Ensuite, un tableau qui dit montrer le quotient intellectuel de Trump versus d'autres présidents. Donc, on dirait que le quotient intellectuel de Trump est à 156. Et on le montre versus d'autres présidents pour le montrer beaucoup moins intelligent que les autres. Est-ce que c'est vrai? Je veux dire que c'est faux. C'est faux, en effet. En effet. Donc, ce tableau qui dit montrer le quotient intellectuel des anciens présidents des États-Unis, ça s'est passé en décembre 2016 sur Internet. On disait aussi que le président élu à l'époque, président désigné, oui, était parmi les plus intelligents, en fait, même pas les plus faibles, avec un quotient intellectuel de 156, ce qui allait juste en dessous de M. Adams à 168,75 et en haut de Jefferson à 153,75. Grant étant au bout, comme en bas à 120. Mais on s'entend que, regardant le tableau, là, tout le monde est un petit peu pas mal dans la moyenne selon ce tableau-là. Mais bon, ici, ça dit que le tableau d'origine est basé sur une étude de 2006 conduite par l'Université de Californie. Et puis, ça dit que Trump est pas mal dans la moyenne, finalement. Mm-hmm. Et c'est basé sur une vraie étude. Mais par contre, ça dit que le quotient intellectuel de 156 de Trump n'est pas vrai. Ça, c'est une rumeur sur Internet qui vient du site beforeitsnews.com. Et non, c'est ça. C'est donc... Très plus haute? T'as un petit peu. Son quotient intellectuel, présentement, n'est pas connu. Donc, ce n'est pas 156, mais on ne sait pas ce que c'est. Mais apparemment, qu'il est dans la moyenne des autres présidents américains. OK. Ensuite, on parle du film Star Wars, la guerre des magasins. Non, Star Wars, la guerre des étoiles, Rogue One, qui a reposté des tweets au sujet de Donald Trump disant que le film avait été modifié pour ajouter une scène anti-Trump. Donc, il a été refilmé certaines scènes du film pour ajouter une scène anti-Trump. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Faux. C'est faux, t'es bonne. Yes. T'es très bonne. Donc, le 8 décembre 2016, le hashtag Dumb Star Wars a circulé sur les réseaux sociaux, bien sûr, qui a été populaire, donc ce trend-là, pour plusieurs raisons. Entre autres, la fausseté de dire que Star Wars Rogue One avait été modifié. Ça vient de Jack Posobiec, qui est le directeur des projets spéciaux pour Citizens for Trump, qui a généré une rumeur complètement fausse que le nouveau Star Wars avait été altéré, changé pour ajouter une scène anti-Trump en disant « I can't believe Disney rewrote Rogue One to bash Trump. Disgusting. Hashtag dumb Star Wars. » Ben oui, tu sais. Donc, il dit que les écrivains avaient soudainement changé la fin de Rogue One et qu'ils avaient lancé une campagne anti-Trump remplie de haine. Je me demande pourquoi. Hashtag dumb Star Wars. Mais c'est complètement faux. C'était juste pour faire parler de lui. Lorsque Esquire a écrit à Posobiec pour savoir son opinion ou des commentaires, il a admis qu'il avait jamais même vu le film Rogue One. Oh boy. Rogue One. Ensuite, on continue parce que je veux éclairer le plus de trucs de Trump possible de ma lignée de nouvelles. On parle de Hillary Clinton qui aurait suggéré dans un discours de 2013 que Donald Trump devrait se présenter comme président. Est-ce qu'elle a dit ça? Non, c'est en 2013. Trump devrait se présenter à la présidence américaine. Oui et non. T'as le droit à une seule réponse. Ah! J'aime pas celui-là! Non, je veux dire que oui, elle l'a dit. Non, c'est faux, malheureusement. Donc, le 17 octobre 2016, le site web de divertissement The Rightist a publié une fausse nouvelle disant qu'Hillary Clinton avait dit ça en 2013. The Rightist est un site web hybride qui publie un mélange de vraies et de fausses nouvelles. Mais ça, c'est faux. Ensuite, une photo qui montre... Donald Trump avec ses parents en tenue du Ku Klux Klan sur Internet. Des internautes qui ont fait circuler un cliché censé donc accabler le candidat républicain à la Maison-Blanche à l'époque. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est un montage? Faux. Faux, t'as raison là-dessus, oui. Donc, Donald Trump, raciste invétéré, dit l'article, qui pose sans complexe avec ses parents en tenue du Ku Klux Klan. De nombreux internautes ont fait circuler ces dernières semaines cette image censée révéler la face cachée du rival de Hillary Clinton dans la présidentielle américaine. Donc, c'est complètement un montage. Hein? Ça dit que l'image est en fait un montage réalisé de toutes pièces. Le cliché d'origine date de 1992, montre les candidats républicains, le candidat républicain Donald Trump de l'époque, avec ses parents dans des tenues toutes autres. Et puis on les a modifiés pour ajouter des draps, hein, du Ku Klux Klan classique. Ensuite, est-ce que le fils de Donald Trump a dit à une émission de radio en 2013 que les femmes qui sont pas capables de gérer le harcèlement au travail devraient plutôt aller enseigner dans une garderie? Donald Trump Jr. qui aurait dit que les femmes qui sont pas capables de gérer le harcèlement des hommes ou des femmes au travail devraient changer de job, aller être enseignante pour des enfants. Ça, c'est vrai ou faux? Je veux dire qu'il l'a pas dit. C'est faux. Non, c'est vrai. Ah! C'est vrai. Le 13 octobre 2016, la publication en ligne BuzzFeed a posté un enregistrement de commentaires fait par Donald Trump Jr., ou comme on l'appelle, je crois que c'est Beavis, avec son frère Bonnet, lorsqu'il était invité à l'émission de SiriusXM The Opie and Anthony Show en 2013. Dans ce segment, Trump, le fils donc du président Trump, s'est plaint que trouver des femmes dans ce qui était traditionnellement des endroits pour hommes... c'est ça. Il a dit que les femmes qui n'étaient pas capables de gérer l'harcèlement au travail ne devraient pas être dans le domaine du travail. Donc, don't belong in the workforce. Ne devraient pas être employées en tant que telles. Trump, ainsi que les animateurs Greg Opie Hughes et Anthony Cumia se plaignaient de la présence des femmes qui gâchent leur plaisir dans les environnements masculins. Pas pire, hein? N'importe quoi. C'est du beau, gros n'importe quoi. Et puis, justement, Anthony Cumia qui avait été viré du Opie and Anthony Show en 2014 après avoir posté des commentaires racistes sur Twitter. Donc, bon, hein, qui se ressemble, ça semble. Exact. Rapidement, on va faire une dernière, tiens, okay. Pourquoi pas. C'est une chenille de l'Amazon que peut-être as-tu vu propulser sur Internet qui montre une chenille avec vraiment, on dirait, les cheveux de Trump. OK. Et en fait, je peux te montrer la photo en plaçant ça pour pas que tu vois de réponse ou rien. Alors que la chenille a vraiment comme des cheveux jaunes, un peu en vague. Ça ressemble pas mal à Trump. Si vous cherchez sur Google, Amazonian Caterpillar Trump Hair, ou juste Trump Hair Caterpillar. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Yes! Ce photographe de tout ce qui est sauvage, Jeff Creamer, qui a pris cette image d'une chenille avec vraiment la signature capillaire du président Trump, orange, jaune un peu, en expédition au Pérou. On l'appelle Ovejillo. O-V-E-J-I-L-L-O pour petit mouton en espagnol. Son nom complet est Megalopigue Opercularis. Ah ben oui. Ou encore Flannel Moth Caterpillar, donc une chenille de flanelle, toute petite, 2,5 pouces de long. Et puis elle peut avoir du rouge, du blanc, du rose. Donc plein de couleurs comme ça. C'est donc absolument vrai. Par contre, ça dit que la Flannel Moth Caterpillar est venimeuse et que les poils sont très piquants. Pour vrai? Avec un centre vide. Ça ressemble un petit peu à une aiguille hypodermique. Je savais pas. Et puis, ça peut percer ta peau. Et te livrer une grande dose d'une toxine empoisonnée. Donc, un peu comme les tarentules. Mais au moins, les tarentules, comme dit l'article de Gizmodo.com, au moins, les tarentules ont l'air épeurante. Ben oui, au moins. Donc, tu t'en protèges un petit peu, là. Ça fait donc des gros boutons, des espèces de plaies rouges et une douleur absolument difficile à gérer. Donc, c'est pour cette petite chenille qu'on appelle encore une fois en espagnol Ovejillo. O-V-E-J-I-L-L-O. Voilà, c'est tout pour ce bloc de Le Vrai Le Faux. Il me reste quelques autres nouvelles de Trump et il va sûrement y en avoir d'autres qui vont s'accumuler d'ici la prochaine chronique. On fait ça quand ça nous adonne, juste pour le plaisir. Merci d'avoir joué, Tania. Je vais compter ton pointage. En fait, vu que t'es seul, je vais devoir compter le vrai et le faux, donc ce que t'as de bien et de mal. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de bon. Woohoo! 1, 2, 3, 4, 5, 6 de mauvais. Oh! Donc, je suis pas assez bon en maths pour dire, mais 10 sur 16. Yes! C'est quand même pas si pire. C'est très bon. Bon pointage. Voilà, c'est tout pour Assemblage Rocky pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci aussi à David Ferron pour sa chronique La Carte Beachée. Justine Renaud. Bien sûr, pour la chronique Justine Pertine. Demain à l'émission, on aura en ce mercredi Sébastien Guertin à 7h30 avec le retour de sa chronique Butin Guertin. À 8h30, Xavier McLeish va venir nous parler de la lutte. On a deux matchs à récupérer parce que j'étais pas là la semaine passée, on s'en rappelle. À 9h, Alfalfa, le lutin, son bon ami, va être avec nous pour parler de jeux de société et d'alcool. Ouais. Donc c'est demain entre 6h30 et 9h30, en direct à partir de 7h30. Sur nos ondes, plus tard aujourd'hui, la rediffusion du Mathieu Plante Show s'en vient dans un petit peu moins d'une vingtaine de minutes. Ensuite, à midi, l'émission Connaître ensemble pour tout savoir sur la périnatalité. À 14h, Tania et moi serons de retour, fatigués comme c'est pas possible. Exactement. Pour les palmarès, c'est fou. Ensuite, à 19h, c'est réanimation avec du métal et de l'horreur. Puis matière noire, oui, avec du métal progressif à partir de 21h. Sif.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions. Encore merci, Tania Baudin. Ça fait plaisir. Et à demain, merci 6h30. Merci à toi, Mathieu Plante. Ça fait plaisir aussi. Bon café, tout le monde. Ah, oui. Beaucoup de café aujourd'hui. Yum.